Bonjour et bienvenue à présent à ce troisième enregistrement que je vais effectuer en compagnie de Berthold, qui est un YouTuber qui présente d'ailleurs plusieurs vidéos à son actif. Il parle entre autres dans ses vidéos de conscience supramentale et vous allez retrouver en bas de cet enregistrement, bien entendu, le lien qui va vous permettre d'accéder à sa chaîne YouTube. Alors, tout d'abord, je te salue, Berthold. Ah ben bonjour, salut à toi. Est-ce que ça va bien? Oui. Excellent. Donc, pour débuter l'entretien aujourd'hui, je voulais parler un petit peu avec toi de l'exégèse, qui est une vidéo que tu as effectuée récemment, où tu parles là, de conscience supramentale, où je te perçois là, canaliser là, du matériel. Oui, c'est une vidéo que sur le coup, moi, je l'ai trouvée bien ordinaire, là, mais j'ai eu beaucoup de retours sur ça. Donc, tu as eu des commentaires positifs? Oui, ben, c'est peut-être les gens trouvaient que c'était intense. Puis oui, c'est des commentaires positifs. Quand j'ai allumé ma caméra, moi, je voulais juste dire que je voulais prendre une pause, là, de 2 semaines. Puis finalement, ça s'est mis à parler. Et après, j'ai refait un autre générique. Et puis c'est devenu quelque chose que je m'attendais pas. Oui, ben en tout cas, en ce qui me concerne, quand j'ai visionné la vidéo, je t'ai senti très intense dans ta parole, très tranchant, très affirmé. Et tout d'abord, je voulais savoir qu'est-ce que signifie le mot exégèse? Ben, une exégèse, si on le simplifie, là, qu'on le vulgarise, c'est une explication. C'est ça, ben, au sens là, un peu comme quand, si on peut dire, là, ben, c'est ça, au fond, là, si on le simplifie beaucoup, c'est une explication. Puis, je le voyais aussi là, par rapport à se situer dans son expérience, là, de voir plus clairement. Et donc, si ça veut dire exégèse, donc explication, qu'est-ce que tu visais là, à expliquer à travers donc cet enregistrement? Ben, au début, moi, j'avais pas pensé à un titre, puis c'est venu par après, parce que c'est venu pendant que j'en parlais, pendant que je parlais, ce mot-là est venu. OK. Puis même là, j'ai vu là par la façon dont c'est arrivé, même ça avait pas le sens habituel là, parce que d'habitude, c'est un mot que j'avais vu là, dans des vieux ouvrages, donc je l'avais mémorisé, c'était dans mon vocabulaire, mais c'est un mot que je n'utilise jamais. Puis c'est Oui. venu là tout seul. OK. Ben c'est sûr que c'est un mot rare. Dans mon quotidien, moi non plus, j'utilise pas le terme exégèse. Et j'imagine sans doute que c'est le cas également là, par rapport à certains auditeurs présentement, d'où la raison pour laquelle je voulais connaître de ta part là, la signification de ce terme. Ben, même là, quand je l'ai dit, je voyais là, par la vibration que c'était pas tout simplement parce qu'il y avait quelque chose là, qui avait besoin d'une forme comme ça, mais c'est venu tout seul. Et puis, par après, je me disais, bon, ben là, ça va compliquer les choses parce qu'il y en a, il y a une auditrice qui m'avait dit qu'elle trouvait que j'utilisais des mots compliqués. Puis finalement, même par rapport au sens classique qu'on peut lui donner, j'ai l'impression que c'est pour des raisons là, de vibration, parce que par après, je me disais, bon, ben, ça peut pas avoir un sens, le sens classique là, qu'on lui accorde d'habitude. Et puis même là, par rapport à cet enregistrement-là, là, j'étais comme tout le monde, parce que quand je l'écoute, c'est quelque chose qui m'est extérieur, là. Même si c'est toi qui l'as fait. Oui. Et ça, j'aimerais ça que tu élabores un petit peu plus là-dessus, donc ce sentiment d'étrangeté que tu peux avoir par rapport à ta propre création. Oui, ben quand la vibration est très forte et que je me mets à parler, c'est vraiment quelque chose, c'est comme quelque chose là d'extérieur là qui, c'est un, comment je pourrais dire ça? Ben c'est ça, c'est comme de l'information qui passe et par après quand je le réécoute, c'est vraiment comme si j'écoutais quelqu'un d'autre. Donc, autrement dit, lorsque tu canalises ce matériel, à ce moment-là, c'est à quelque part, l'intelligence de l'esprit qui se manifeste dans ta parole. Oui, parce que par après, là, dans mon état normal, je ne suis pas comme ça du tout. Donc, autrement dit, est-ce qu'on peut dire que lorsque tu canalises ce matériel, tu vis un état altéré de conscience? Oui, ben à mes yeux, c'est mon état habituel qui est un état altéré de conscience. C'est-à-dire ton état ordinaire? Oui. Ah, c'est intéressant. Donc, autrement dit, l'aspect plus pratique, terre à terre, et l'état qui n'est pas naturel, donc l'aspect plus personnalité, l'aspect qui gère le quotidien. Oui, ben c'est comme si quand je suis en vibration, là, il y a de la conscience qui se manifeste, mais dans ma vie de tous les jours, elle est altérée. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire, là, dans le sens que ton moi réel serait celui qui s'exprime à travers de tels enregistrements. Oui, et puis il y a aussi là, une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, c'est parce que ce serait plus pratique pour moi que ce soit permanent, parce que comme ça serait, je verrais plus clairement là, ce qui se passe, et puis je ferais moins de, comme tout le monde, là, je fais des sottises, et puis j'ai pas tout le temps là, de jugement beaucoup, mais quand je suis dans cet état-là, je vois très très clairement. Mais par après, là, quand je retombe dans un état normal, je me souviens pas, là, de toute façon. Oui, mais de toute façon, c'est le genre d'enregistrement non plus qui ne s'adresse pas à l'intellect et la mémoire. Bon, pas du tout, parce que même, il faudrait que je le réécoute à répétition pour l'intégrer. Ben, justement, par rapport à ça, je l'ai quand même écouté au moins deux fois d'une manière attentive et j'ai vraiment de la difficulté à intégrer au niveau intellectuel le matériel. Et quand que je réalise ça, je me dis c'est bon signe parce que ça veut dire que c'est une vibration qui passe, qui est plus haute que des éléments mémoriels que je pourrais mémoriser. Oui, ben ça me fait le même effet. Donc, excellent. Et si on est deux à avoir la même perception, il y en a peut-être présentement qui vont écouter cet enregistrement auquel je fais allusion. D'ailleurs, je vais rajouter le lien là en bas de l'enregistrement présent, pour que vous puissiez le retracer aisément sur YouTube. Et peut-être que vous allez avoir la même impression à l'égard de cet enregistrement, c'est-à-dire qu'on l'écoute, il se passe plusieurs minutes et on ne se rappelle pas ce qui a été dit là, quelques instants après. Ben même ce qui est dit là, au moment où je l'écoute, je le vois, mais c'est ça, c'est instantané et puis ça part très très rapidement parce que c'est trop subtil. Oui, ben en tout cas, moi, grosso modo, par rapport à l'enregistrement, quand que je l'ai perçu, je me rappelle pas tous les détails, mais essentiellement, je voyais là des propos pour favoriser l'intégration du processus de la fusion. Oui, ben c'est un peu. Oui, ben c'est carrément ça. Puis si on l'image beaucoup, là, quand je suis dans cet état-là, ben c'est un peu comme l'esprit là, qui fait la leçon à l'ego. Et puis des fois, il y a comme il y a une vibration là, d'autorité. Mais une Oui. fois que c'est parti, non, tous les jours, là, je suis pas intense comme ça, là, au contraire. Par contre, ça fait un très bon enregistrement parce que lorsque la vibration passe avec force, ça laisse pas indifférent quand on écoute ça. Oui, ben c'est par après là que je me suis dit bon ben c'était fort là, cette fois-là. Oui. Parce que dans tes vidéos, parce que j'ai écouté la plupart des vidéos que tu as produites sur ta chaîne, je te dirais la plus intense que j'ai écoutée à l'heure actuelle, c'est celle-là de l'exégèse, là. Oui, ben ça m'a pris par surprise parce que des fois c'est comme si je me disais bon, je vais me mettre en condition pour faire une vidéo. Puis finalement, je la réécoute, puis je trouve ça ordinaire. Puis d'autres fois, comme cette fois-là, je voulais juste dire que j'allais prendre une pause de 2 semaines, et puis Oui. ça m'a pris par surprise. Ben, moi, ça m'a donné l'impression d'un pic d'activité au niveau vibratoire pour nous laisser sur une haute note qui est haute, qui est intense avant la pause. Oui, ben c'est dans le fond, ça a été planifié là, mais en dehors de mon ego, là, si on peut dire, je le vois par après. Exactement. Moi, ça m'a donné un petit peu l'impression, parce que des fois, je vais m'entraîner là au gym. Et par exemple, je vais faire à mettons deux séries où je soulève 80 livres. Puis là, la troisième, là, avant de partir, là, je me donne, là, je vais faire 90 ou 100 livres. Puis là, après ça, après avoir atteint ce moment d'apogée intense, là, après ça, je vais à d'autres occupations, puis je me repose. Oui, puis on dirait que c'est ça, on n'a pas à y penser, puis ça se planifie tout seul. Exactement. Sinon, c'est sûr que le mot exégèse, bon, je suis content que tu l'aies vulgarisé tantôt, donc qui veut dire explication. Mais quand j'ai vu ce mot-là pour la première fois, ça m'a soulevé le questionnement, parce que là, j'ai pas fait d'études théologiques, donc je sais qu'il existe des termes comme apocryphe, il y a des termes spécifiques à la religion, puis à la, comment dire, la haute spiritualité, là, ça m'échappait. Puis moi, quand j'ai vu le terme, l'une des craintes que j'ai eues, c'est que ça pourrait occasionner une forme de mystification langagière chez la personne qui voit ce mot. Oui, ben je m'attendais pas à l'utiliser, puis après je l'ai mis dans le générique parce que on dirait que c'était par rapport là à la vibration qu'il y avait derrière le mot. Puis même là, j'ai l'impression que c'est pas la vibration qu'il y a habituellement. Puis je me suis dit j'ai eu les mêmes appréhensions. Puis je me suis dit bon ben je vais le faire comme ça. Ça me disait de le faire comme ça. Puis je me suis pas posé de questions là par la suite. Non, ben c'est bien correct. En bon québécois, comme on dit, si tu le fais en affinité avec ta sensibilité. Mais en ce qui me concerne, mon esprit, lorsque je fais du matériel, il faut que j'utilise les termes les plus simples possibles. J'aurais pas le droit d'utiliser des termes plus complexes parce que ça pourrait induire une forme de mystification. Mais ça, c'est par rapport à mon autorégulation là, vibratoire. Mais toi, si tu vis d'autres choses, c'est correct aussi. Moi, ben, si je réfléchissais trop les termes, probablement que ça deviendrait des blocages. Oui, parce qu'après tout, on tomberait dans l'intellectualisation. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression que c'est vraiment pour des raisons là, de la vibration, parce que si je regarde là, la définition classique, ben j'ai l'impression que c'est pas adéquat là, par rapport à la vibration qui voulait s'exprimer par ça. Puis même là, jusqu'à maintenant, là, ça reste un. C'est quasiment mystérieux pour moi. Je me dis, il va falloir que je le regarde encore parce que ben, c'est un peu là, comme il y a d'autres termes des fois qui apparaissent. Là, puis je vois par après que c'est parce que c'est le mot qui convient le mieux. Mais je suis pas non plus pour inventer, je peux pas créer des mots non plus. Mais c'est adéquat là, pour des raisons de vibration, mais par rapport, là, si on peut regarder comme par rapport à de la philologie, là, probablement que c'est pas adéquat, mais que c'est ce qui était le plus adéquat par rapport à ce qui voulait s'exprimer. Et la philologie, c'est quoi? Ah, c'est une science par rapport, là... à la construction puis au sens des mots, là, mais là, c'est pas important. Okay. Disons là, que ceux qui étudient beaucoup les définitions, les choses-là, c'est une discipline qui est rattachée là, au sens des mots, puis à leur provenance, leur construction. OK. Ben, en tout cas, je te peux te faire un compliment, c'est que tu as beaucoup de vocabulaire, là. La maîtrise de certains termes techniques qui sans doute échappent au commun du mortel. Moi, ben, ça devient, comment je pourrais dire ça, je le vois pas nécessairement comme une qualité, mais des fois, je me dis si c'est ce mot-là, eh ben, je fais mon possible, mais ça, c'est pour avoir pataugé là, dans la philosophie longtemps avant. Donc, j'ai accumulé des formes, là. Exactement, mais en tout cas, si ça te permet de décrire le réel avec justesse, ben c'est sûr que c'est intéressant d'avoir ces formes pour être capable de porter et d'exprimer adéquatement la vibration. Ben c'est certain que la vibration, elle passe à travers ma mémoire, donc ça active là des. Ben ça, il y a des mots là qui ressortent, mais là comme c'est là, je suis pas en vibration là. Je comprends, mais peut-être que si je te pose d'autres questions, je vais t'amener à être en vibration. Ah oui, peut-être, mais c'est souvent, ben plus ça va, plus ça me prend par surprise, souvent. dans le sens que c'est pas toi qui choisis, au niveau subjectif, le moment que tu vas entrer en vibration? Non, pas du tout, parce que c'est comme justement pour cette vidéo-là, je pensais que j'allais faire quelque chose de très simple, là, puis c'est devenu... je faisais le montage, puis je me disais, ben voyons, c'est comme... c'était... Pour mon ego, c'est encore mystérieux, là, le phénomène, parce que je le vois juste après coup. Non, ben je comprends ce que tu vis, parce que moi-même, je réalise des enregistrements quand même depuis plusieurs années. Et puis, ce que je réalise, c'est qu'il y a des enregistrements que je me rappelle plus du tout ce que j'ai dit. Je vois le titre de l'enregistrement, puis pourtant, c'est moi qui l'ai fait, là. Si tu me poserais la question de quoi tu parles là-dedans, aucune idée. Oui, ben j'ai un correspondant qui était dans le milieu depuis longtemps, puis il disait là, quand tu te souviens plus du tout par après, là, c'est parce que justement là, le matériel il vient d'en dehors de l'ego. Puis mais je l'avais constaté là avant, mais ça m'aide toujours de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui vivent le même genre de phénomène, parce que c'est tellement on est porté à intellectualiser ça, puis à le rationaliser. Puis on vient Exactement. que, oui, on vit du doute par rapport à ça. Des fois, ça revient. Mais c'est ça, habituellement, là, quand on se souvient plus, là, ou des fois des conversations que j'ai avec des gens, quand par après, là, on dit qu'est-ce qu'on disait, puis on se souvient plus du tout, là. Souvent, on aurait dû l'enregistrer. Oui, tout à fait. Et c'est la raison, entre autres, là, pour laquelle j'enregistre cette conversation. Donc, je voulais t'amener sur différentes pistes aujourd'hui. Bien, c'est sûr que par rapport à tes enregistrements, à un moment donné, tu as fait un enregistrement qui s'intitule « Captation du 4 août 2017 ». Et je voulais que tu m'entretiennes un peu plus en détail par rapport au processus de captation que tu peux faire des fois. Ben ça aussi, ça a été une surprise pour moi, parce que c'est après avoir discuté avec un correspondant qui me parlait d'écriture automatique. Okay. Et puis qui est un phénomène que j'avais jamais expérimenté, que je connaissais pas. Et puis, chez les gens qui font ça, souvent, ça va être... ils vont avoir de l'information juste par le procédé mécanique, là, de poser un crayon sur un bloc, et puis ça écrit même pas, là, ça fait des barbeaux. Un peu là, comme sur ce qui va rendre graphique là, le pouls d'une personne à l'hôpital, là, ça fait juste des traits saccadés. Puis j'ai essayé pendant quelques jours, quand j'étais en vibration, j'essayais. Puis finalement, ça s'est mis à prendre des formes géométriques, puis je m'attendais pas à ça encore, ça a été une surprise. Puis j'ai vu que ça activait, là, qu'il y a de l'information qui rentrait. Mais par après, je ne l'ai pas refait parce que c'était de l'information des fois qui m'apparaissait inutile. Mais c'est ça, ça prenait des fois des côtés prophétiques. J'avais l'impression qu'il y avait de la subjectivité là, qui venait parasiter ça. Mais ça a été une surprise. Il y a aussi, là, pendant que je discutais avec quelqu'un d'autre, à un moment donné... il me faisait parler, poser des questions, puis là, il disait qu'est-ce qui vient, puis j'observais ce qui venait dans mon esprit, puis ce qui sortait, c'était des séquences chiffrées. Puis je trouvais ça tellement... je me disais, comment je vais faire pour interpréter ça? Puis finalement, c'est là qu'il y a un processus qui s'est fait, que je m'attendais pas, puis je me suis rendu compte que le fait là, de dessiner des structures géométriques, ça me mettait en vibration, qu'il y avait de l'information là, dans dehors de l'ego qui venait. Mais j'ai essayé de pas... je suis pas resté là, trop dans ces expériences-là, parce qu'il m'arrivait des choses qui avaient un côté prophétique, puis je trouvais ça dangereux, puis j'ai décidé de pas m'attacher à ça. Bien, c'est sûr qu'il faut être capable de gérer le rapport avec le canal, parce que si une entité que tu canalises, puis elle attribue ses prophéties... elle va t'en envoyer des dates puis du matériel là, sur ce qui va se passer dans les prochaines années. Là. Elle va se délecter de ça. T'sais, c'est comme quand tu es avec des personnes. S'il y en a un qui tripe ses films d'action, bien, il va te demander constamment d'écouter avec lui des films d'action. Donc, pour moi, le rapport à l'écriture, en lien avec ce que tu dis, moi, j'ai jamais fait de forme géométrique, mais faire des barres comme Bernard le faisait, là, à mettons, au tableau ou avec le crayon pour canaliser du matériel, ça, je l'ai déjà expérimenté. Puis c'est sûr que personnellement, je peux dire que ça marche. Je peux faire ça, puis vivre un processus de canalisation supramentale, de dissociation avec ma source, comme dans le fond, c'est un autre aspect de moi-même, indépendant là, de mon conscient. Là. Oui, ben, je sentais, là, si on peut dire, là, que ça parvenait de mes contreparties, mais que il y avait du parasitage là, qui s'infiltrait. Je le voyais par après parce que j'avais pas, à un moment donné, ça parlait de, je sais plus trop, là, je pense que c'était des massacres. Puis je me disais, j'ai pas envie de parler de ça. Puis plus je réessayais l'exercice par après, là, il me venait des choses comme ça. Puis je me disais, bon, ben ça, c'est pas important, ça va me décentrer. Donc j'ai mis ça de côté là, pour un temps, mais je vais peut-être le refaire, je verrai. Oui, ben en tout cas, je trouve ça intéressant que tu aies la capacité de faire preuve d'esprit critique parce que c'est sûr que lors de la vidéo, justement, tu parlais de massacre à venir, puis moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. Puis ton propos rejoint un petit peu mon senti parce que moi, d'écouter ça par rapport à des massacres ou certains événements, puis moi, il y avait un malaise. Puis c'était comme moi, j'aurais voulu, dans le fond, ramener ça à une conversation avec l'esprit. Ou est-ce que tu le réalignes un petit peu comme un tuyau, s'il va trop à gauche, tu le ramènes à droite? Oui, ben, c'est certain que si dans quelques années, tout d'un coup, ça arrive, je vais me regarder ça en me disant, bon, ben, ça va peut-être me le confirmer, mais c'est que pour l'instant, c'est pas important, là. Au niveau pratique, la seule chose qui peut arriver de ça, c'est qu'on se fait décentrer par des considérations qui sont pas utiles au fond. Oui, par rapport à nous, en effet, d'où l'importance d'être capable de réaligner le rapport avec sa source pour ne pas se faire charrier par elle. Oui, puis ben même là, moi, à mes yeux, là, c'est quelque chose qui s'infiltrait, là, je le vois pas comme parce que réellement, là, je me disais, bon, ben là, si c'est quelque chose qui décentre, là, puis qui charrie, qui peut engendrer de l'angoisse, ben c'est ça, tout d'un coup, là, au niveau critique, là, je vais le mettre de côté. Mais je l'ai gardé pareil dans l'enregistrement. Parce que c'était tellement inattendu. Mais j'ai réécrit là, aux gens de ne pas se fier à ça. Ben, moi-même, je me fie à rien. Oui, c'est sûr qu'il aurait pu être intéressant avant que tu débutes l'enregistrement ou ce que tu fais de la captation, d'expliquer un petit peu le processus aux gens en début de vidéo. Ben, c'est venu par surprise. Et puis même là, le processus. J'ai de la difficulté à me l'expliquer, là. Mais je me suis dit, bon, ben, les gens qui ont déjà vu ça, ils vont reconnaître, là. Puis les autres, ben, peut-être qu'il serait mieux d'écouter autre chose. Oui, c'est sûr que je comprends ton point de vue, puis c'est bien correct. C'est sûr que la captation en écriture automatique, moi je vois ça un petit peu dans un mouvement d'ouverture, comme on peut le connaître lorsqu'on fait un brainstorming, c'est-à-dire un remue-ménage. Et là, on se donne on se laisse en fait disponible pour qu'il y ait des idées qui vont dans toutes les directions, qui vont nous venir dans le mental. Des fois, ça peut donner place à des idées intelligentes qui vont nous amener plus loin, mais des fois aussi, ça peut être des idées retardataires. Oui, ben, c'est pour ça que j'essaie d'avoir un sens critique par rapport à ça, puis je l'ai mis de côté. Et puis, mais ça m'a permis là, de voir que j'ai un esprit là, qui c'est comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose là-dedans qui est lié à du. C'est comme si j'étais plus en contact avec du systémique, là, du structurel, puis. Donc, même l'écriture automatique, j'ai beau avoir essayé beaucoup, puis ça fonctionne pas. Il faut que ce soit des structures géométriques. Puis je me suis dit, bon, ben, je dois avoir un type d'esprit qui, c'est comme si ça venait, mais on dirait que ça vient pas là, tout à fait c'est pas tout à fait le même phénomène. J'ai l'impression là que c'est différent un peu parce que au moment là où ça arrive, c'est vraiment automatique. Puis par après, quand je regarde les structures, ben, Je vois là que c'est comme si je faisais descendre quelque chose, puis je le vois par rapport à les dessins que ça produit, mais ça a été. J'étais en train de développer de la curiosité pour ça. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais prendre une pause avec ça parce que là, j'étais en train d'être fasciné. Puis je me suis dit, plus je vais être fasciné, plus ce que je vais faire, plus ce que je vais capter, ça va être subjectif. Oui, ben, je trouve ça intelligent justement que tu aies donné une pause. Puis après tout, si tu peux être fasciné par ça, il y a également des téléspectateurs de ta chaîne qui peuvent l'être aussi. Moi, ben, en ce temps-là, justement, là, je préviens souvent là, que toute fascination descende, que puis c'est des fois, j'avoue que je m'inquiétais aussi parce que j'ai des abonnés qui sont plus jeunes. Puis là, je m'inquiétais, mais par après, j'ai cessé de penser à ça parce que sinon, ça va me freiner. Non, non, il faut pas que ça freine ta créativité. Et d'ailleurs, je trouve ça pertinent que tu aies fait des mises en garde dans plusieurs vidéos pour pas justement que les gens soient fascinés ou qu'ils sombrent dans la croyance. Donc, moi, je trouve ça au niveau éthique très responsable de ta part et respectueux à l'égard des gens que tu écoutes de faire ces mises en garde. Oui, ben, quand je fais des mises en garde, souvent, c'est je me les fais à moi-même aussi en même temps. Bienvenue dans le club, parce que moi aussi, quand je fais des vidéos et des mises en garde, je les fais à moi-même pour pas non plus sombrer dans la fascination, dans mon rapport avec l'occulte. Ben, c'est ça, parce que sinon, là, on devient complètement. C'est une forme, un peu quand on sort, on pourrait dire, là, de l'astralisation, puis qu'on tombe plus dans le mental. Ben, le danger de fascination, au fond, est encore plus fort. Oui, parce que l'énergie mentale est plus forte qu'astrale, donc on peut être mentalisé, pour ne pas dire astralisé, mais mentalisé dans le sens être submergé par de la vibration mentale et vivre un état de possession à ce niveau-là. Ben, c'est ça, ce serait la différence entre. Comment devenir, si on peut dire, là, devenir mental au lieu d'être mentalisé, parce que il faut quand même là, que ne pas être à la remorque de ça, au sens où il faut garder une vigilance. Oui, d'où l'importance de l'esprit critique pour équilibrer son rapport avec l'occulte et ne pas en être victime. Oui, et puis aussi, pas non plus être dans un jugement, parce que si je tombais trop aussi dans l'esprit critique, eh bien là, j'irais moi-même consulter, mais comme je prends pas ça, je le prends pas là, j'essaie de me tenir en dehors de toute fascination, puis je prends pas ça au sérieux, là, ou dans un sens qui serait trop investi, ben comme ça devient, il y a moins de danger, là, de dérive, parce que on voit toujours la dérive à l'extérieur de nous, mais c'est là qu'est le danger. Oui, dans le sens que si on ne se voit pas aller, bien à ce moment-là, bien on peut justement sombrer dans le délire et la fascination envers l'occulte. Oui, puis c'est tellement subtil que une fois qu'on sombre là, dans ce qui est délirant, là, ben, on va le rationaliser, puis c'est là que. Oui, ça peut être dangereux. Puis il y a des gens, là, je pense que ça. Mais il y en a toujours, là, chez qui ça va arriver. Puis c'est là que je me suis dit, bon, ben là, je peux pas trop m'inquiéter non plus, parce que sinon, ça devient un frein. Exact. Mais c'est ça, c'est d'avoir de la mesure, là, de la tempérance. Exactement. Puis la distinction entre la possession et l'habitation est très fine. Donc, entre quelqu'un qui est possédé, fasciné par quelque chose, là, donc autrement dit, c'est plus fort que lui. Il n'y a pas une volonté pour être capable de se sortir, de s'extirper de certaines forces, puis versus l'autre qui habite. C'est-à-dire qu'il est capable de composer avec ces forces-là sans se faire charrier par elles. La nuance entre les deux, pour moi, est très fine. Oui, ben, même quand on n'est pas un danger pour soi-même, on risque de l'être pour les autres des fois. Puis il y a une responsabilité là, en tant qu'ego. Oui, exactement. D'où l'importance d'avoir une certaine éthique par rapport aux propos puis la gestion des enregistrements qu'on peut produire. Ben, c'est ça parce que je disais à un là, avec qui je discute souvent, je lui écrivais, je dis, je suis dangereux, on est dangereux. Mais au moment, tant qu'on le voit, ben on l'est un peu moins. Exactement. Et l'une des difficultés en tant qu'être humain et qu'égo, c'est le fait que c'est difficile d'être totalement critique par rapport à soi et objectif, étant donné que par définition, un égo, c'est de nature subjective. Oui, ben c'est ça, là. C'est de toujours le voir l'ego comme justement quelque chose de on ça s'exprime à travers quand même là à travers l'ego qui est imparfait donc déjà là puis c'est ça, ça fait que je me prends pas au sérieux puis en même temps que je vois que le phénomène lui est à prendre au sérieux puis ça crée des comment je pourrais dire ça on devient compartimenté parce que par rapport là, au sens critique, au jugement, on n'a pas le choix parce que sinon c'est là que ça risque, on se subjectivise là, puis si on se met à rationaliser ça, à l'intellectualiser, c'est encore pire. Oui, ben c'est sûr que c'est pas évident de gérer un contact avec l'invisible, là, parce que en fait, de mon point de vue, plus que la vibration descend est forte et intense, plus que ça prend une force de volonté inversement proportionnelle pour en faire une gestion adéquate et ne pas être fasciné par elle. Oui, puis c'est ça, quand on arrive là à ces niveaux-là, ben souvent on sait encore plus c'est encore plus dangereux, les pièges sont encore plus subtils, puis je sais là que je suis pas exempt de tout ça là, puis même je le dis là à des correspondants, si jamais vous me voyez là que j'ai une dérive et puis gênez-vous pas pour me le dire. Puis si je le vois pas, ben ce sera mon problème. Puis vous me regarderez me dégrader parce que au fond, d'un autre côté, on peut rien faire là, une fois que on le voit plus là. Oui, ben c'est sûr que ça me fait penser au phénomène dans la psychologie qu'on appelle des angles morts. Donc, lorsqu'on est en voiture, il est facile de voir certains aspects de la voiture ou de nous-mêmes, le devant ou le derrière. Ça, c'est facile. Mais de voir sur les côtés, c'est plus difficile. D'où le phénomène des angles morts, c'est-à-dire que des aspects de nous-mêmes qu'on peut voir difficilement, mais qui peuvent être plus faciles à voir pour d'autres personnes, d'où l'utilité d'être en contact avec d'autres personnes et le fait que nous ne sommes pas intelligents tout seuls. Ben, c'est sûr, ben, ça fait partie là, de ce qu'on pourrait voir comme de la distorsion cognitive, parce que même ce qui n'est pas dans les angles morts peut être de toute façon déformé. Oui. Donc, oui, ça aide à rester objectif. Exactement. Fait que c'est sûr que de mon côté, dans beaucoup de mes enregistrements sur cette chaîne, et également celle de David Lévesque Supra, je répète souvent que c'est important de ne pas croire, surtout pas de me croire présentement, parce que, à quelque part, lorsque les gens tombent dans le piège de la croyance par rapport, que ce soit des enregistrements, des textes, c'est là que la dérive sectaire peut avoir lieu. Oui, puis des fois là, je les vois ben, c'est comme il y a quelqu'un qui ben il y a quelques mois qui voulait me partager des choses de Daniel Kemp, et puis pour une raison que j'ignore, j'avais pas d'intérêt, je me disais quand ce sera le temps, je vais tomber dessus. Et puis là, il y a des choses qui ont été mises en ligne sur Monsieur Kemp, et puis je vois bien là qu'il y avait un contact et puis que c'est très fort, et puis mais il reste que des fois, quand il emploie des termes là, comme le Satan, là, moi je peux pas faire ça. Parce que il y a trop, ça charrie trop de mémoire, et puis c'est là que je vois un danger. Parce que même si ce qu'on dit est objectif, la forme, elle, peut servir de support pour la subjectivité d'autrui. Puis je trouvais ça. Je me disais, bon, ben là, c'est pas pareil, comme c'était pas grand public, il n'y avait pas de YouTube dans ce temps-là. Puis je me dis, bon, ça convenait, là, c'était adéquat pour ce qu'il avait à dire, puis c'était correct. Mais attends une minute, encore là, il faut dire que dans le contexte de l'époque, il y avait des cassettes qui étaient produites à partir de ces enregistrements, et cette cassette pouvait être achetée par monsieur et madame tout le monde, là. Ouais, mais il devait quand même, mais c'était pas comme YouTube que je sais pas, là, parce que. Je peux être écouté même par des gens qui n'auraient pas eu, qui n'auraient pas été. Ça peut être n'importe qui là, peut avec YouTube tomber sur ça, tandis que les cassettes, ben, ça passait quand même par des personnes, là, puis c'était plus. C'était différent parce que c'est pas comme. Je le vois quand même un peu différemment, là. Puis il y Non, avait aussi. je suis d'accord avec toi pour dire que les cassettes, c'est moins facile d'accès parce qu'après tout, pour avoir accédé à la cassette, il faut que soit que tu l'achètes ou quelqu'un qui a la cassette t'en fasse une copie. Oui, puis qui quand puis la personne qui va faire le geste d'avoir la copie, ben elle connaît un peu le contexte quand même, le plus. Tandis que là, on a un clic et puis on peut. Il y en a beaucoup qui sont tombés sur ma chaîne par hasard. Là, ça devient différent. Donc, c'est ça, j'essaie de faire attention par rapport aux formes, mais là, il y a du matériel qui commence à être mis en ligne. Puis c'est ça, là, je me dis, bon. C'est certain là qu'il y en a peut-être qu'on va voir c'est certain qu'on va voir des gens qui, entre guillemets, là, vont capoter, là. Oui, mais tu as soulevé un bon point, c'est-à-dire que les termes comme justement Satan ou Lucifer ou les forces ahrimaniennes, c'est tous des termes que pour ma part, je n'utilise pas parce que je sais que ça peut mystifier ou fasciner occultement certaines personnes. Oui, à cause de toute la mémoire qu'il y a dans ces formes-là. Ben, Exactement. c'est comme quand je parle de si jamais je me mets à parler de Lucifer, c'est-à-dire au sens d'un principe de densification dans la matière, c'est-à-dire l'épais qui porte le subtil, ben là, au moins je vais essayer de le contextualiser. Mais si quand on le balance des formes comme ça, sans essayer là, de contextualiser ou sans être précis dans ce qu'on veut, dans pourquoi on prend cette forme-là, ben c'est là qu'il y a un danger. Puis Monsieur Kem, quand il parlait de le Satan, je le voyais pas là, comme. Je pense que je rejoignais un peu, là, mais de toute façon, j'écoutais plus ce qu'il y avait derrière ce qu'il disait que ce qu'il disait. Mais je me disais, des gens là, qui sont fragiles là, psychiquement, qui entendent ça, ils vont être mis en vibration, mais ça risque d'être de la vibration astrale parce que pour eux, ces choses-là, c'est des réalités. Puis. Quand je pense là à des gens que j'ai connus qui ont eu qui étaient des schizophrènes, là, qui ont vécu des psychoses, eux, pour eux, là, Satan, c'était complètement. C'est ça charrie énormément d'énergie là, qui endort, si on peut dire. Là. La personne risque de tomber dans une psychose, là, un rêve éveillé qu'elle contrôle pas. Puis c'est là qu'il y a un danger. C'est pour ça que je trouve que c'est bien de. Il y a certaines formes qu'on est mieux de laisser là, de côté. Oui, tout à fait, pour rendre le discours plus objectif et amener moins les gens à vibrer à la peur. Oui, puis même pas besoin d'être de la peur, là, parce que ça revient au même avec des formes comme Dieu. Oui, exactement. C'est sûr que par rapport à Dieu, disons que les formes religieuses anciennes ou traditionnelles, je les ai délaissées au fil du temps pour avoir un vocabulaire. En ce qui me concerne, que je vise plus à tendre vers l'objectivité. C'est sûr que mon vocabulaire est très proche de celui de Bernard de Montréal, mais en même temps, c'est sûr que si quelqu'un m'amène des formes plus raffinées et plus adéquates pour exprimer le réel, j'y prendrai en considération pour raffiner le vocabulaire que j'utilise. Oui, puis c'est correct parce que c'est ça, c'est de l'ajustement, là. Exactement. Sinon, par rapport à tes enregistrements, dans l'une de tes vidéos, ce qui m'a surpris, ça a été le fait que tu fasses le dévoilement de ta vulnérabilité en allumant une cigarette. Oui, ben, je considérais que ça devenait nécessaire parce qu'il y a des gens qui m'idéalisaient. Puis qui, comme si, puis je trouvais ça dangereux pour mon propre ego. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de. Puis aussi, j'étais rendu à un point que je suis vraiment, je suis écœuré, là. Parce que c'est pas intelligent, c'est des habitudes qui sont là comme de la programmation, c'est mémoriel, puis c'est pas intelligent. Puis je me suis dit, De fumer? ben oui, il y a rien de. Ben, d'un autre côté, je sais que. Il y en a qui considèrent que ça peut aider là, à équilibrer certaines choses, mais il reste que ça vient assumer une gestion que En tout cas, c'est très subtil, mais je me suis dit, bon, ben, je commençais à trouver ça important de dire que, ben, que c'est comme tout le monde, là, que j'ai des défauts parce que, justement, une fois que la vibration, elle redescend, je suis pas plus allumé que les autres, là. Oui, et moi non plus d'ailleurs. Donc, ça, c'est un élément que les gens qui écoutent, soit mes enregistrements ou les tiens, doivent réaliser, c'est que nous sommes des êtres humains et nous présentons en tant qu'égaux des imperfections. Ben c'est ça, parce qu'il y a des gens qui m'écrivaient puis ils m'idéalisaient tellement que je me disais là, ça devient un piège, là, dans le sens que si je m'étais mis à croire à ça, ben là, ça devient dangereux de pas non plus. Ben c'est comme il y en a là, des gens là, comme dans le domaine de l'ésotérisme au Québec, là, ils sont persuadés qu'ils sont des initiateurs cosmiques. Et puis moi, je vois juste du danger là-dedans. Puis là, je voyais. Poindre le danger que des gens, ils m'idéalisaient beaucoup. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de montrer là, un aspect plus terre à terre là, pour démontrer que non, il n'y a rien de. Il n'y a rien à idéaliser. Là. Puis des fois, ça m'arrive de manquer de jugement. Puis que c'est comme tout le monde. Là. Si je le fais, c'est pour intégrer l'information. Donc, sinon, j'irai pas sur YouTube. Puis. J'écouterais pas non plus rien qui a rapport au supramental, ce serait intégré. Exactement. Fait que moi, cet aspect-là m'a beaucoup touché parce que ça nous ramène au fait que tu es un être humain. Puis, en étant capable justement de te montrer en fumant une cigarette, qui est devenue en passant un tabou social, hein. Plus qu'on avance dans le temps, moins les fumeurs sont tolérés socialement. La cigarette au Québec a été interdite des restaurants, des lieux publics. Là, c'est interdit de fumer à moins de 7, 9 mètres, pardon, d'un lieu public comme un hôpital. Le vapotage, tout récemment, la cigarette donc électronique est interdite. Donc, de plus en plus, la société va s'insurger contre les fumeurs. Et toi, tu as l'audace d'admettre ça. Ben, moi, c'est sûr que je trouve ça intéressant parce que ça amène à réaliser aux gens que quelque part, tu es un être humain. Il faut que les gens soient capables de faire preuve de discernement puis qu'ils arrêtent de mettre sur un piédestal les gens qui communiquent de la conscience, que ce soit Daniel Kemp, Bernard de Montréal ou d'autres personnes. Il faut que les gens soient capables de se regarder et de regarder les autres, mais sans les mettre sur un piédestal. Je pense que c'est un élément fondamental. Oui, parce que sinon, ils sont décentrés, puis ils placent de l'intelligence à l'extérieur d'eux-mêmes, alors que le but, au fond, c'est qu'ils soient en contact avec ce qui vient de l'interne. Puis, si on se met à idéaliser, puis ça, on se fait encore décentrer, puis on s'est placé encore de l'extérieur, donner de l'importance à l'extérieur. Puis des fois, ben c'est pas mauvais là, que l'extérieur, tout d'un coup, soit moins idéal. Et puis, cette vidéo-là m'a permis de voir mon propre orgueil, puis ma propre vanité, parce que j'ai arrêté de fumer, mais ça n'a pas duré longtemps. Je sais que je vais finir par arrêter de fumer, mais comme tout le monde, là, Mais ça a duré combien de temps? oh, ça a duré quelques jours. OK. Et quand que tu as repris la cigarette, est-ce que tu as ressenti une impulsion astrale, mentale? Ça s'est fait machinalement, tu n'y as pas pensé ou... Non, ben, ce qui arrive, c'est que là, je subissais un gros stress et puis il y a ces pensées-là qui me venaient parce que c'est carrément là, comme si quand on pense à ça, c'est comme un peu comme un programme, une mémoire qui se réveille. Puis finalement, je me suis dit, bon, j'ai fait l'erreur là de ben c'est comme ça montre que j'ai une certaine stupidité là il y a quelqu'un qui m'a dit ben là t'es peut-être mieux de fumer parce que c'est pas le temps puis ça faisait mon affaire de le croire. Autrement dit, quelqu'un qui te dit que c'était peut-être mieux que tu fumes parce que c'était pas le temps d'arrêter? Oui, parce que probablement que j'ai ben c'est ça. Puis j'ai fait l'erreur de le croire alors que j'aurais dû. C'est certain qu'on devrait toujours persister, mais là par rapport à mes affaires et puis les rapports que j'avais là par rapport Mais à de la gestion. attention, le terrain sur lequel je voulais t'amener, c'est l'élément qui t'a amené à refumer, est-ce que il y avait une vibration mentale derrière ça ou astrale? Non, ben à ce moment-là, je ne l'ai pas regardé vibratoirement. OK. Puis j'étais pour de la gestion là, dans ce qu'on pourrait dire là, par rapport à ma vie de tous les jours. J'étais dans un stress qui me décentrait déjà. J'étais déjà décentré, donc c'est probablement. J'y vois pas là, de la vibration astrale non plus, mais c'est juste que j'ai réactivé là, une mémoire parce que je vivais de l'inconfort, c'est tout. Oui, ben c'est sûr que dans les périodes de stress, souvent les automatismes vont prendre le pas parce qu'on est sous tension puis on veut neutraliser rapidement la tension. Mais c'est sûr que si tu veux arrêter de fumer à l'avenir, ça peut être utile, là. Il y a certains moyens qui existent, là, comme les patchs, là. Ah ben ça, les patchs, c'est encore un support extérieur. Ben, j'ai des proches qui ont essayé ça. Et puis, je connais absolument personne qui a arrêté de fumer avec des patchs. Mais je sais qu'il y en a, là, parce que ça peut être un support extérieur adéquat pour fixer de la volonté. Mais je sais que dans mon cas, parce que je viens d'un milieu où, ben à l'époque, c'était normal. Absolument tout le monde fumait. Probablement, j'étais un fœtus, puis j'avais de la nicotine là, qui Déjà me dans parlait. l'organisme, ouais. Oui, puis il y a aussi le fait que pour les patchs, bon, je l'ai déjà essayé, mais il reste que, comme mon père, comme sa mère, je suis un très, très gros fumeur, puis je pense pas qu'il y ait des. La dose là les doses de nicotine auxquelles je suis habitué, je pense pas que ça peut passer par le derme parce que j'ai déjà essayé puis ça me faisait absolument rien. OK, mais au moins, tu as essayé, comme on dit. Ben, j'ai essayé d'essayer. Oui. Mais c'est sûr que ça, c'est un autre aspect qui peut être intéressant à aborder. C'est-à-dire que les gens peuvent vivre un processus de conscientisation, mais conserver, entre guillemets, certaines habitudes qui sont mal vues sur le plan social. Parce que, après tout, Bernard de Montréal fumait la cigarette et mangeait aussi de la viande. Oui, puis ben d'un autre côté, ça fait partie de la subjectivité extérieure, c'est-à-dire que les gens font des catégorisations subjectives, c'est ça, c'est la grégarité sociale, et puis ça vient exercer un tri. Si des gens pensent que je peux pas capter rien d'en dehors de mon ego parce que clairement je suis un réceptacle qui n'en est pas digne, ben là, ça fait un tri, et puis eux, ils vont voir ailleurs, et c'est très bien. Oui, exactement, parce que à ce moment-là, ça permet de faire une séparation entre ceux qui sont vraiment intéressés et ceux qui sont plus superficiels dans leur démarche. Oui, ils se tiennent à la surface des choses parce que l'ego, au fond, ça devient une densification, là, le siège d'une multitude, et puis c'est ce qui est visible, là, si on peut dire. Puis dans le fond, eux-mêmes, ils se coupent d'un contact avec ce qui n'est pas visible en s'accrochant à la surface des choses. Puis c'est ça, ça fait partie de leur subjectivité. Puis je me dis, oh, ça exerce un tri. Puis il n'y a rien de grave là, au contraire, c'est autorégulé, puis c'est très bien fait, puis je trouve ça bien. Une des personnes avec lesquelles je discute qui canalise le mieux est portée là, à boire de l'alcool beaucoup. Si je m'arrêtais à ça, ben là, à ce moment-là, je me rendrais pas disponible à de l'information qui pourtant est très, très élevée, là, c'est. Quand ça part, là, je le vois là, que c'est très fort. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il faut aller au-delà de ça. Et puis, sinon, par rapport à tes enregistrements, il y en avait un dans lequel tu parlais de ta vision du libre arbitre. Et puis, tu présentais beaucoup de matériel, c'était très dense. J'avais de la difficulté à te suivre et c'est la raison pour laquelle, à présent, j'aimerais que tu me parles de ta conception du libre arbitre. Ben, je le conceptualise plus vraiment, mais il reste que pour moi, là, le libre arbitre, c'est vraiment, ça fait partie des structures de l'ego, mais de son illusion. Il y a une sorte d'illusion là-dedans, parce qu'au fond, on va tout le temps être amené à à des choix, entre guillemets, à des décisions. Mais on est amené à ça. Mais pourtant, l'ego va s'illusionner qu'il est en contrôle de ces processus-là. C'est pour ça que. Puis même, on le voit là, en psychologie expérimentale, que la personne, même si elle est persuadée d'avoir pris une décision d'une façon objective, il y a toujours là, il y a des processus extérieurs à ça. Oui, c'est sûr qu'entre autres dans le domaine des neurosciences, on peut observer que l'individu, avant qu'il décide consciemment de réagir par rapport à un stimulus, que dans certains cas, son corps a déjà réagi, notamment par rapport à l'excitation sexuelle. C'est-à-dire que quelqu'un va regarder quelque chose, ça peut être différentes choses, c'est pas nécessairement de la pornographie, bien que ça peut être ça, là. Et là, la personne est excitée sur le plan sexuel avec des réactions physiques, mais ça prend un certain délai pour que le conscient s'en rende compte. Puis là, l'individu observe qu'il transpire puis il est excité. Oui, ben c'est ça. Puis l'ego est subjectif et puis il va toujours penser que ça vient de lui. Puis on le voit aussi en suggestion mentale. Si on suggère une pensée à quelqu'un, la personne va tout le temps être persuadée que la pensée vient d'elle. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que dans certains cas, même, il y a des gens qui peuvent être hypnotisés et tellement adhérer à la pensée que l'hypnotiseur leur suggère que de penser, éventuellement en venir à penser justement que, en réalité, c'est eux autres qui pensaient ça depuis le départ. Oui, puis le libre arbitre, il y a quelque chose d'une une rationalisation de ces processus-là qui ne sont pas visibles. Oui, puis il y a aussi des mécanismes de défense de l'ego par rapport à des choses qui sont difficilement acceptables pour lui. Comme je le mentionnais tantôt, de manière très terre à terre, donc quelqu'un qui se rend compte qu'il est excité sexuellement, mais qui ne l'a pas décidé consciemment, et qui s'en rend compte quelques secondes après qu'il y a des manifestations physiques de son excitation. Le gars qui est en érection, puis s'en rend compte quelques instants après, mais il ne l'a pas choisi consciemment avec sa volonté, ben là, il peut essayer de rationaliser la situation parce que c'est difficilement supportable que ça soit ainsi. Oui, puis il y a l'illusion aussi là, du contrôle. Et puis le contrôle véritable, là, c'est pas, ça s'apprend par le laisser aller au fond. Moi, je préférais, comme le dirait André Moreau, le laisser être. Oui, ben de toute façon, ça, on n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Mais la notion de laisser être par rapport à André Moreau, c'est laisser son être prendre toute sa place, donc son esprit, son énergie, si on veut. En tout cas, je le vois comme ça, là. Je trouve ça intéressant. Ben, même ceux qui se bloquent leur énergie, leur propre énergie, puis que ça fait partie de leur être au fond. Puis, mais si je comprends là, pour avoir lu puis suivi un peu M. Moreau, ce que tu veux dire par rapport là, au fait de comment je pourrais dire ça, M. Moreau, c'est par rapport justement à. Ben, à abandonner tout contrôle, ben, qui est subjectif au fond. Oui. Puis, parce que c'est ça, essayer d'apprendre le contrôle par le contrôle, c'est un peu comme essayer de faire de la bicyclette en la laissant là, attachée, là, en n'y touchant pas pour la contrôler. Alors qu'au fond, apprendre à marcher ou peu importe, là, c'est aussi tomber et puis c'est aussi se faire mal de temps en temps. Donc, c'est en ce sens-là que je parlais là, de un laisser-aller. Puis, l'idée là, de prendre des décisions, souvent, c'est rationaliser un mouvement, puis l'intellectualiser au fond. Parce que quand je regarde là, mon parcours, je me rends compte que je suis allé où je devais aller, puis j'étais dans l'illusion que c'est le mouvement émanait de l'ego, alors que au fond, le mouvement émane de lui-même. Puis, c'est surtout ça, là, c'est là. Le libre arbitre, c'est pas un concept qui est mauvais en soi, mais c'est parce qu'il y a de la subjectivité dedans. Puis c'est surtout par rapport à ça là, que je le parlais. Mais il reste que nous n'avons pas le choix de faire des choix. C'est un petit peu paradoxal comme formule. Oui, ben ça arrive tout le temps à des paradoxes, parce que l'intellect, au fond, n'est pas logique au sens d'une logique réelle. Parce que, par exemple, entrer en conscience, c'est un peu prendre conscience de notre inconscience. Ça a l'air paradoxal. L'éveil, au fond, c'est un peu se rendre compte que nous dormons. Encore là, ça a l'air paradoxal. Ça aboutit tout le temps à des paradoxes parce que l'intellect est restreint. Oui, mais c'est intéressant de les soulever. Mais par rapport au libre arbitre, c'est sûr que pour avoir étudié le matériel, entre autres, de Bernard de Montréal, qui répétait que le libre arbitre, c'est une illusion, puis à quelque part, chaque personne est programmée. Moi, pour ma part, j'en suis venu à la conclusion qu'il existait des programmations astrales et mentales, et que l'individu était aux prises avec ces types de programmations. Mais il ne pouvait pas échapper à ces deux niveaux de programmation. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que quand quelqu'un sort d'une programmation, c'est qu'il était programmé pour en sortir et puis il entre dans une autre programmation. Donc, autrement dit, si par exemple quelqu'un sort d'une programmation astrale, c'est pour mieux rentrer dans une programmation mentale? Oui, puis ça fait partie d'une autre programmation plus subtile qui englobe les autres. Bien, les autres programmations, on pourrait parler d'une métaprogrammation qui est au-dessus de toutes les programmations, qui va tout réguler les programmations de niveau inférieur. Oui, ben c'est qu'on ne peut pas sortir de l'univers qui est lui-même de la programmation, donc. Exactement. Mais pour ce qui est du libre arbitre, parce que j'aime ça amener ça dans du concret, parce que des fois c'est plus difficile à suivre les sujets comme justement le libre arbitre et la programmation. Donc si par exemple je veux m'entraîner sur le plan physique, puis je vais m'entraîner, moi en tant qu'ego, j'ai l'impression que je suis en contrôle. C'est sûr que je peux être conscient que la pensée à l'origine d'aller m'entraîner ne provient pas de moi. Donc là, je peux dire que bon, il y a une entité ou il y a une force, une intelligence, peu importe le nom qu'on lui donne, m'a suggéré de faire cette activité-là, mais j'ai eu quand même le libre arbitre d'accepter de faire l'activité puis de me déplacer en voiture pour me rendre à la salle d'entraînement. Donc le libre arbitre n'est pas dans la pensée à l'origine du mouvement, mais au fait que j'ai eu à quelque part la possibilité d'exécuter ou non ce mouvement. Oui, mais même là, j'ai l'impression que il y a quelque chose d'une illusion, mais que de toute façon, c'est nécessaire parce que sinon l'ego serait dissous. Oui, moi aussi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'une illusion ou qui m'échappe ou qui n'est pas clair. Et c'est la raison pour laquelle je veux aborder ce sujet-là avec toi, c'est-à-dire de mieux cerner les nuances ou les éléments qui se rapportent au libre arbitre, qui fait qu'à quelque part, même si j'ai l'impression que j'ai eu le choix d'aller m'entraîner, qu'en réalité j'avais. C'est sûr que dans un sens absolu, je suis pas totalement libre parce que la pensée à l'origine d'aller m'entraîner provient pas de moi. Oui, ben on dirait que même les choix sont sus à l'avance parce que possiblement que le temps est très différent là, de ce que l'on en perçoit. Donc, on dirait c'est peut-être là, différents paliers d'intelligence parce qu'il y a quand même des événements que je vois après coup que c'était su jusqu'à 5 ans à l'avance d'une façon parfaite. Puis, c'est là que je me dis, même les décisions que l'ego va prendre sont sues à certains niveaux. Donc, est-ce que c'est par rapport que l'ego a réellement un libre arbitre ou plus par rapport qu'il y a d'autres choses qui peuvent se promener dans le temps comme dans l'espace et avoir l'information? Ça, je le sais pas, là. Mais de mon point de vue, par contre, il y a des entités, en effet, qui peuvent avoir un certain savoir sur comment l'ego va se comporter. L'ego a une certaine prévisibilité. Mais de mon point de vue, c'est un petit peu comme les prophéties ou les prédictions météorologiques. C'est très rare qu'on peut savoir de manière absolue qu'est-ce qui va se passer, parce qu'après tout, il y a eu beaucoup de prophètes qui se sont royalement trompés par rapport au début des années 2000, là, puis ils voyaient que c'était la fin du monde pour l'année 2000 ou 2012. On a passé ces années et puis il n'y a pas eu d'apocalypse là, dans le sens de situation catastrophe, là, de millions de morts, puis etc. Mais le point, c'est que de mon point de vue, en tout cas, j'ai l'impression que les entités n'ont pas une capacité absolue de gérer les programmations. Parce que sans ça, il n'y aurait pas le phénomène du suicide sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas des êtres humains qui se suicideraient. À mes yeux, encore là, c'est parce qu'on le regarde d'un point de vue humain. Parce que, rendu là à certains niveaux, moi, je le vois plus de la même façon, le suicide. OK. Il y a un jeune homme là, que je connais par rapport à mon entourage qui dernièrement a été abattu par la police. Puis c'était clairement un suicide au fond. Mais ce jeune homme-là, il n'aurait pas pu. Son expérience ne lui servait plus. Là, c'était juste de la souffrance. Puis il n'avait pas non plus la capacité de passer à autre chose. Mais là, je ne suis pas en train de faire l'apologie du suicide. Mais c'est juste au sens de pas. Possiblement que c'est parce que si on le regarde d'un point de vue humain que ça semble être une erreur. Mais il y a peut-être là des gens que j'ai l'impression que ça fait partie d'un tout et puis que mais oui, on peut le voir comme quelque chose de déplorable ou comme un échec. Mais quand même, ça fait partie de la nature des choses. Et puis je pense qu'on le regarde là, de notre point de vue à nous, puis là, que ça peut paraître là, comme un échec, puis ensuite on projette mais, ça mais sur. Mais je ne dis pas d'une manière systématique, c'est-à-dire que je vais nuancer mes propos parce qu'après tout, récemment au Québec, on permet le suicide assisté avec la commission là, sur mourir dans la dignité. Donc l'euthanasie est acceptée. Donc c'est sûr, dans certains cas, quelqu'un qui est atteint d'une maladie incurable. Donc, il n'y a aucune chance de retrouver la santé et la personne est confrontée à des souffrances insoutenables. C'est sûr que dans des cas comme ça, et d'une manière totalement légale aujourd'hui au Québec, la personne peut être euthanasiée, là, c'est-à-dire vivre une forme de suicide assisté et c'est tout à fait voulu et justifiable socialement. Oui, ben c'est ça. Ce qui n'est pas justifiable socialement peut l'être cosmiquement. La personne dont je parle était dans une souffrance aussi pire que s'il avait été atteint physiquement, puis il n'avait pas la force d'en sortir. Mais là, je viens pas justifier le suicide, c'est juste par rapport à le voir différemment. Parce que c'est comme si son expérience l'avait conduit à ça, puis qu'il n'y aurait pas eu moyen de changer ça. C'était une programmation, au fond. Puis, mais même là, de toute façon, il faut que l'ego reste. Il faut que l'ego reste dans sa perspective d'ego, de toute façon. Et puis, que c'est pour ça que je suis pas contre non plus, là. Je me verrai jamais à contredire la société non plus par rapport à ça, par rapport à ses valeurs, parce que ça fait partie du contexte. Puis c'est correct comme ça, mais je viens que à mes yeux, je le vois plus autant comme un problème. De toute façon, des suicides, il va y en avoir beaucoup encore. Puis ça fait partie de l'expérimental de la masse. Puis ça donne rien là, de s'insurger trop contre ça, mais là, c'est pas non plus d'en faire l'apologie, mais c'est juste de le voir là comme c'est. Il reste que c'est un phénomène qui fait partie du contexte, ça fait partie du décor, ça fait partie de l'expérimental. Puis c'est comme ça, parce que c'est comme ça, puis j'essaie de pas le voir comme positif ou négatif. Mais c'est certain que on a la responsabilité de le voir comme un échec et d'essayer de faire en sorte de pas amplifier ou faire l'apologie du phénomène. Mais d'un autre côté, ça donne rien. Ça donne à rien non plus là, de le prendre émotivement, puis parce que on dirait que même ce qui est des intelligences très élevées vont toujours garder l'ego dans une certaine illusion pour que ce contexte expérimental-là continue et puisse se maintenir. Oui, mais de mon point de vue, puis le point sur lequel je voulais t'amener, c'est qu'à quelque part, j'ai l'impression que certaines intelligences très évoluées qui font la gestion des êtres humains n'ont pas une capacité de prévisibilité absolue à l'égard de la manière que la personne va se comporter par rapport à certains chocs de vie. Ça peut être la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, un problème de santé grave, et ainsi de suite. Parce que face à l'adversité, il y a des gens qui vont faire preuve de résilience, ils vont être capables de se relever, ils vont sortir grandis de l'épreuve. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Mais c'est important aussi que s'il y a des intelligences qui, elles, sont au-dessus de ça, c'est important que les égos continuent d'être dans le paradigme selon lequel elles ne sont pas infaillibles. Parce que de toute façon, rendues à un certain niveau, pour des raisons de respect expérimental, elles ont un devoir de non-intervention. Mais le problème, c'est que depuis le début, elles interviennent parce qu'après tout, la pensée n'origine pas de l'humain. Oui, elles interviennent, mais je parle, ça dépend là, des niveaux. Là, il y en a qui interviennent, mais là, ce qui est infaillible n'interviendra pas parce que s'il y a, pour des raisons de contexte expérimental, parce que l'être humain ne peut pas évoluer tout seul, mais d'un autre côté, s'il tomberait en contact avec de l'infaillible, il cesserait d'évoluer de toute façon. Mais le point, puis laisse-moi terminer là-dessus, mais je parlerai pas pendant une demi-heure, c'est juste te dire que j'ai l'impression qu'il y a certaines entités qui vont mettre dans le plan de vie d'une personne, dans sa programmation de vivre un choc à un moment donné. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la mort de son enfant en bas âge. Là, la personne est exposée à ça. En théorie, elle est censée de s'éveiller puis devenir consciente, sauf que dans certains cas, j'ai l'impression que les entités ont mal évalué les probabilités, ce qui allait arriver. Puis là, la personne sombre dans une détresse psychologique puis elle se suicide. Ben moi, mes yeux, c'est parce que la personne, ça fait partie de son expérience, même si ça peut sembler être une erreur. De toute façon, s'il n'y avait pas des anomalies, on aurait une vision plus restreinte du phénomène quand même. Mais à mes yeux, même les anomalies font partie de la normalité. Puis c'est là que, de toute façon, même une intelligence qui se trompe, souvent elle-même, c'est parce qu'elle accomplit de la programmation sans le savoir, mais il y a toujours quelque chose au-dessus. Donc, non, c'est juste parce que, disons là, que c'est difficile à intégrer encore, puis probablement qu'on le verra pas, parce que ça, c'est comme je le sais, mais j'arrive pas à le verbaliser. Mais même l'échec, même les anomalies, même les erreurs, même tout ça, même ce qui semble être un échec, on dirait qu'il faut qu'il y ait des incidents de parcours, que ça fait partie du contextuel. Ben, même à certains niveaux, là, qui est en dehors de la matière, parce qu'eux aussi évoluent à travers les égos. Oui, ben, c'est sûr que je peux comprendre que dans une certaine mesure, ils pourraient laisser sciemment des erreurs avoir cours, pour nous donner l'impression qu'un libre arbitre, mais en réalité, c'est dans le fond, tout ça, ça serait comme virtuel. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'il y a un laisser-aller, mais il y a quand même une gestion qui est derrière ça. Quoique, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'à quelque part, les ajusteurs de pensée ou les doubles ou les contreparties cosmiques l'ont échappé sur Terre, puis il y a eu beaucoup de dérapages parce que en tant que tel, même si ces êtres-là, dans certains cas, peuvent se croire parfaits, ne le sont pas dans un sens absolu parce que leur création est imparfaite, la prolongation d'eux-mêmes est imparfaite. Ben, c'est un dégradé. Comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose de progressif là-dedans. Puis, mais je ne vois plus l'erreur comme une erreur. Puis je vois plus. C'est comme ça. Puis ça peut pas être autrement. Puis même que l'être humain est imparfait, ça c'est parfait. Je trouve ça bien, puis c'est difficile de le verbaliser, mais rendu à un certain point, c'est parce que l'être humain est encore émotif et il a besoin de le voir comme ça, parce que c'est progressif, et puis c'est certain qu'on peut dire, bon, ils ont commis des erreurs. Oui, ce qui est plus près de nous commet des erreurs, parce que ça fait partie de ce qui est progressif, mais rendu à certains niveaux, ça prend des erreurs, ça prend des... Il faut que ce soit comme ça, puis je viens que je me questionne plus sur ça, puis je m'insurge plus non plus sur ça, parce que... Puis en plus, ça me permet de le voir s'il n'y avait pas... Il faut là, que ce soit... C'est un peu comme si c'était une question que il faut que ça se passe dans quelque chose où il y a des hauts contrastes, parce que ça met en relief le parcours. Et puis aussi pour générer des manifestations, l'être humain a encore besoin de vibrer malgré lui. Et puis pour ça, ça prend de la déception, ça prend des erreurs, ça prend, et même ce qui est au-dessus de lui, mais évolue à travers lui, ont besoin de commettre des erreurs, parce que, au fond, mais il reste que c'est encore là, il y a des êtres, ils sont dans le temps comme dans un espace, et puis eux aussi sont restreints, puis c'est correct, puis c'est comme ça, puis je ne vois plus l'erreur, les défaites, et puis l'erreur, et puis les anomalies, je les vois plus du tout de la même façon, mais j'ai l'impression que c'est parce que nous avons, il y a encore de la crainte là-dedans, puis il y a encore de la peur, et puis, mais aujourd'hui, je viens à bout là d'être un peu détaché de ça, parce que je vois là que on est encore émotif parce que c'est nécessaire. Mais à mes yeux, tout devient nécessaire, même des fois des choses là qui choquent terriblement les gens. Et puis, je vois pas de problème. C'est comme ça. Mais Puis. justement, par rapport à, je vais t'arrêter sur un point, l'émotivité, pourquoi tu trouves que c'est nécessaire qu'on soit émotif? Parce que ça fait partie du mouvement. Ces structures-là ne sont pas encore brûlées parce qu'elles sont encore nécessaires. Ce qui est au-delà n'est pas encore fini d'être construit. Dans le sens que tant qu'on n'a pas intégré totalement l'énergie mentale, ça devient nécessaire qu'on vibre à l'astral. Oui, parce qu'il faut que l'énergie passe. OK. Fait que dans le fond, vaut mieux que l'énergie passe de manière colorée que pas du tout. C'est ça, exactement. OK. Oui, c'est intéressant. Par contre, c'est sûr que c'est l'humanité qui en paie les frais, entre guillemets, de certaines erreurs parce que. D'ailleurs, en fait, de mon point de vue, je comprends que tu veux dépolariser par rapport à ce qu'on peut appeler des erreurs. C'est tout à fait correct puis d'amener un état plus de neutralité psychique à l'égard de ça. Mais il en demeure tout de même le fait que beaucoup d'êtres humains vont souffrir des erreurs liées entre guillemets, au plan matériel, ne serait-ce que par rapport aux différentes formes d'énergie. Si on pense entre autres à l'énergie nucléaire. Et l'incident qui a eu cours à la centrale de Fukushima en 2011, suite au tsunami au Japon, où une très grande quantité de radioactivité a été déversée, c'est sûr que c'est entre guillemets des erreurs qui amènent une pollution considérable à la surface du globe. Oui, mais pour forcer l'être humain à se conscientiser puis à développer une science de contrôle de ce qu'il ne contrôle pas, il faut qu'il y ait des choses comme ça. Et puis, il y a peut-être aussi des raisons de mutation génétique derrière ça qui nous échappent. Et l'être humain, il a besoin là, de se rendre malade pour comprendre sa maladie. Oui, c'est vrai dans certains cas. C'est sûr que les gens, quand ils touchent le fond du baril, ben c'est soit qu'ils meurent ou qu'ils vont remonter. Ils vont se redéfinir autrement. Donc, c'est vrai que dans certains cas, avec l'adversité, ça permet à les gens de se redéfinir davantage. Pour ce qui est de suite à l'incident de Fukushima, j'écoutais tantôt un reportage par rapport à la réalisation de robots. D'ailleurs, je le mettrai en pièce jointe en bas de cet enregistrement également. Oui, ils le disent pas, mais les robots ont fondu. Ben, il peut y en avoir qui ont fondu, mais la compagnie Honda, ce qui est intéressant, a développé un robot pour, dans le fond, être capable de fermer. Il y a comment qu'on appelle ça, des espèces de valves. Et Oui, puis. les quinceaux de confinement là, qui a des ouais, c'est fait un peu comme un sous-marin là, il y a des portes. Exactement, mais sinon, suite à l'incident, il y a eu un concours qui a été fait au niveau international pour développer des robots pour faire face à des accidents, justement comme Fukushima, où des êtres humains ne pourraient pas être utilisés pour remédier à la situation ou que ça serait trop dangereux pour eux. Donc, les robots qui doivent répondre à certains critères, donc qui doivent être capables de se déplacer dans des endroits avec des obstacles, des endroits qui peuvent être en pente, ensuite être capables de fermer le robinet, monter une échelle. Il y a différents critères. Fait que je trouvais ça intéressant que suite à l'événement, il y a une récupération créative de certains êtres humains dans le but de pousser plus loin la technologie pour empêcher que d'autres événements pareils se reproduisent. Oui, ben, ça fait partie des tâtonnements, mais il va toujours y avoir d'autres événements encore pires. Et puis, l'être humain est très. Il se crée des petites bébelles, là, puis il tâtonne. Puis, mais de toute façon, l'important là-dedans, c'est que de réaliser que Fukushima, c'était de faire une centrale nucléaire là, sur des failles tectoniques, sur le bord de la mer, c'était pas intelligent. Puis ça, c'est très bien que ça arrive à être obligé de le voir, parce que là, de faire des robots pour ce qui va arriver dans le futur, ils devraient plutôt là, se concentrer justement à faire en sorte que ça n'arrive pas, mais c'est quand même bien. Puis il y a aussi possiblement que c'est certain que les radiations de cette eau-là qui est déversée là, chaque jour dans l'océan, va engendrer des transformations au niveau génétique de la vie sur Terre. Et ça fait partie de des choses qui nous dépassent et qui sont peut-être voulues, et possiblement que c'est même nécessaire pour notre évolution. Donc, c'est ça, c'est de le voir de différentes façons, mais l'important, c'est qu'il y ait du mouvement, tout simplement. Oui, par contre, c'est sûr qu'en tant qu'ego, je regarde cet événement-là, pour moi, de mon point de vue égoïque. En tant qu'ego, je trouve ça déplorable. Et puis, c'est sûr qu'en tant qu'ego, je refuse de participer à cette humanité expérimentale qui avance par essai-erreur, dans le sens que, pour moi, c'est comme une aberration d'être toujours être confronté à des erreurs pour que ça avance, parce que là, ça t'amène quasiment à vouloir souhaiter qu'il y ait de graves erreurs qui aient cours, pour qu'il y ait de grandes avancées inversement proportionnelles. Donc, ça devient un petit peu absurde. Ben certainement que c'est absurde. Puis, comment je pourrais dire ça? Je viens pas à souhaiter non plus que ça devienne des catastrophes, mais c'est juste de plus de l'expériment, de plus le réfléchir. C'est pour ça que ce qui peut apparaître aberrant ne m'apparaît pas aberrant, mais c'est simplement de ne pas le réfléchir pour ne pas être décentré. Ça revient à le regarder comme quelque chose d'extérieur. Parce que sinon, c'est ça, là, on finit qu'on tombe en résonance avec l'angoisse des masses. Puis ça décentre toujours. Puis c'est certain que ça peut paraître absurde la façon dont l'humanité expérimentale avance. Mais ça fait partie là, ce qu'on pourrait appeler le karmique des collectifs, et puis justement de le voir comme absurde, et puis tout, je tomberais là en résonance, et puis ça créerait des liens avec ce collectif-là. Si jamais il y a des retombées là, jusque sur moi dans ma vie de tous les jours, là c'est certain qu'encore là, ça devient, on a envie de il y a un mouvement là, naturel de le réfléchir, mais. Rendu à certains niveaux, c'est des choses que je me sens plus, je me sens plus en résonance avec ça. De toute façon, d'un point de vue là, concret, pratique, ça change absolument rien. Puis c'est certain que ça, c'est absurde, mais de le voir, de l'étudier en tant qu'absurdité, c'est en faire partie. Oui, je comprends, mais c'est sûr que dans le concret, dans le pratique, si par exemple ton espérance de vie est diminuée d'un certain nombre d'années à cause de la radioactivité résiduelle issue de Fukushima, issue à des expériences aussi qui ont eu cours aux États-Unis avec des bombes nucléaires et l'utilisation aussi civile du nucléaire, parce que ça se propage, ça se véhicule un peu partout sur Terre. Donc si la probabilité d'avoir un cancer en lien avec ça augmente d'un certain pourcentage. Et puis malheureusement, ben tu perds certaines années de vie à cause de ça. C'est sûr qu'au niveau pratique, une facture individuelle qui peut être à payer en fonction du fait de vivre sur une planète expérimentale. Ben, moi, ça me dé... quand, si on m'annonce que je perds 25 ans de vie, ça me dérange pas, là. Pas au sens où j'ai pas d'instinct de préservation, ou au sens où, moi, à mes yeux, c'est comme, ça veut dire que je vais, ce que j'ai à faire va avoir été accompli plus rapidement. Donc, non, moi, je vois pas, j'ai vu là, des gens mourir du cancer, et puis, mais au fond, c'est parce que ce qu'ils avaient à faire était fait. Je vois pas. Puis moi, justement, là, si je. Non, je le vois pas comme un problème. Ce qui paye la facture, c'est ce qui est égoïque. C'est l'ego qui paye, qui est dans l'illusion de payer des factures. Mais. Au sens là, par rapport là, à de la souffrance, puis à de l'expérimental. Mais si jamais là, mon espérance de vie est restreinte à cause de tout ça, ce qui n'est pas mortel dans ma manifestation, ça peut pas être atteint de toute façon. C'est sûr que ton esprit, en termes d'énergie au-delà de la forme, n'est pas atteint par le physique. Par contre, toi, en tant qu'ego, tu peux être atteint. C'est sûr que moi, personnellement, puis bon, à quelque part, oui, je parle en fonction du principe de préservation, dans le sens que, idéalement, je voudrais pas que ma vie soit raccourcie de 25 ou de 30 ans, liée à de l'exposition à des produits chimiques qui peuvent déclencher chez moi un cancer ou un problème de santé grave. Mais en même temps, comme tu le mentionnes, c'est sûr que quelque part, ça sert à rien là, d'y réfléchir. Donc, c'est une perte d'énergie. Mais en même temps, c'est ça. En tant qu'ego, je déplore les conditions expérimentales. C'est sûr que je rêve du jour où la matière pourra agir selon ma volonté. Oui, bien ça, ça, est-ce qu'on va le voir? On est restreint dans le temps, là. Non, c'est ça exactement, puis c'est pas évident, puis dans les échanges que j'ai eus avec mon esprit, ça revient toujours au principe que je serais pas capable d'assumer cette capacité-là, puis la facture énergétique serait très élevée. Donc c'est sûr que si tu me donnes le choix entre faire agir la matière à ma volonté versus me ramasser dans un état où je vis trois, quatre dépressions majeures, puis des chambardements énergétiques, en fait, qui pourraient peut-être que je serais même pas au niveau de mon infrastructure physique présentement capable de développer cette capacité. En fait, je le suis pas. Fait que si tu vois, ça coupe, non. En réalité, je parle pour rien dire parce que je pourrais pas en venir là, puis j'aurais pas un petit peu comme un système d'informatique, j'aurais pas le support au niveau psychique pour supporter une quantité aussi grande d'énergie de l'esprit pour être capable de faire agir la matière à ma volonté. Oui, c'est ça. Ben, on se projette beaucoup dans les possibles, et puis encore là, ça devient se décentrer un peu. Puis l'important, c'est juste le seul fait de le savoir, ça fait que l'être humain là, finira par évoluer au sens où il va se rapprocher là, d'une compréhension. Il va intégrer le fait qu'il fait partie, si on peut dire, là, des technologies mentales liées aux moléculaires, et puis que ça va arriver. Juste le fait de le savoir, c'est suffisant. Nous n'avons pas à nous projeter là-dedans. Parce que c'est ça, ça revient encore à le réfléchir, à se projeter. Puis même, c'est un peu comme il y a des gens là, que souvent, là, quand quelqu'un sait qu'il va mourir et puis que c'est intégré, c'est les gens autour de cette personne-là qui paient la facture au fond, parce que justement, c'est pas intégré. Mais le fait que si là, parce que je sais là, que possiblement à cause de l'environnement qui est de plus en plus toxique, c'est certain que ça nous gruge de l'espérance de vie, mais je ne pense jamais à ça. Puis c'est automatique, là, j'arrive plus à le réfléchir. Puis de toute façon, non. Au fond, on accomplit tout le temps ce qu'on a à faire, qu'on le veuille ou non. Puis une fois que c'est fait, ben il y a un changement là, il y a un changement de plan, si on peut dire. Et puis c'est correct comme ça, parce que là, l'être humain est encore prisonnier entre son instinct de préservation, les pulsions de vie, et puis ses angoisses liées à de la mort, là, les angoisses de mort, et puis ces choses-là. Et puis ça décentre terriblement. Puis c'est pour ça que s'il me reste, admettons là, qu'on m'apprendrait qu'il me reste 6 ans à vivre, ben là, moi, ce qui viendrait là, comme priorité, ce serait de mettre mes choses en ordre là, pour pas que la succession ait des problèmes, c'est tout. Parce que j'en conçois aucune peine. Mais ça, c'est rendu à un niveau là, de détachement là, de l'émotivité qui est. Mais au fond, c'est bon que l'être humain vive de la colère, qu'il vive de la peur, parce que tout ça se sublime en volonté, ça devient du mouvement. Puis je le vois, c'est tout simplement que je le regarde et je le vois. Puis quand il y a une observation de ces phénomènes-là, il y a un cloisonnement là, qui fait que on ne peut pas le voir si on ne se maintient pas un peu à l'extérieur de ces choses-là. Puis une fois qu'on comprend que l'ego est programmé pour vivre ça, pour vouloir se préserver, que ça fait partie de l'expérimental, ben le désir justement de sortir de l'expérimental devient tout simplement du mouvement qui fait que bon, on le voit plus de la même façon. L'être humain est tellement peu évolué au fond, puis il se pense tellement avancé. Puis en tant qu'ego, c'est certain qu'on fait partie de ça, mais il reste que si on peut regarder en dehors de l'ego, on n'est plus décentré par des choses comme ça. Même si, si dans 2 semaines, là, toute la place Ville-Marie explose à cause du terrorisme, je sais que je vais être un petit peu décentré par ça, mais ça donne rien comment je pourrais dire ça, de se laisser tirer là, de l'énergie par ça, parce que ça y changera rien de toute façon. C'est une question d'avoir une ergonomie de la gestion de ce qui passe à travers l'ego. Non, je comprends. Ça sert à rien de perdre l'énergie à réfléchir justement à quelle pourrait être la prochaine cible d'un attentat terroriste. Puis même si ça se concrétise, d'y réfléchir là, d'une manière obsessive, comme un peu peut nous le projeter les médias qui vont, quand un attentat terroriste, là, redire en boucle la nouvelle, puis mettre de l'emphase là-dessus là, pour que ça soit vraiment l'en-tête là, du bulletin de nouvelles. Et là, il y a un effet de loupe incroyable qui fait qu'on amplifie, la souffrance, le drame. Et puis, à ce moment-là, on essaye de nous faire vivre beaucoup d'émotions à travers ces événements qui deviennent extrêmement fortement médiatisés. Ben, ça fait partie de l'ingénierie sociale, la gestion des masses. Pourquoi? Parce que les médias ont besoin de faire en sorte que les gens les motivent beaucoup, parce que derrière tout ça, il y a des gens qui ont besoin de prétextes pour faire voter des budgets pour de l'armement. Ils veulent mettre en place aussi des lois pour des raisons de contrôle. Et jusqu'à un certain point, il y a des gens pour qui le fait qu'il y ait de la peur par rapport à ça fait leur affaire. Donc, une fois qu'on le voit, ça, c'est très différent, là, la relation qu'on a avec ça. Comme par exemple, le Canada ne pouvait pas faire partie de certains projets américains de défense, et parce qu'il n'y avait pas l'acceptation sociale. Mais là, le fait que les médias amplifient de la peur et tout, ça fait que certaines personnes vont pouvoir enfin à s'accorder des budgets et puis faire ce qu'ils veulent faire au fond. Et puis pour eux, l'important, c'est pas d'empêcher ou de provoquer des événements, mais de s'en servir concrètement pour différentes raisons. Puis le fait de les médias participent à ça, parce que ça fait partie de tout ça. Mais une fois qu'on le voit, les médias, ça devient de l'agression constante, là. Puis on vient qu'on ne les écoute plus, puis on ne porte plus attention à ça. Parce que si on regarde, là, par exemple, les attentats, la plupart sont commis par des gens qui n'avaient pas réellement de convictions religieuses au sens d'une pratique quotidienne. C'est souvent des anciens criminels qui avaient des troubles psychiatriques. Puis, dans le fond, ils ont simplement été les médias qui dénoncent ces choses-là, l'activent aussi. Et puis, ça fait partie de cette science-là, de ce qu'on pourrait appeler là, de l'ingénierie sociale. Et puis, Oui, ben c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que c'est un petit peu un cercle vicieux, parce que j'ai l'impression que plus on parle d'attentats terroristes, plus que ça va donner le goût à des gens fragiles qui écoutent le bulletin de nouvelles de faire un attentat dans le but d'avoir l'attention de l'humanité tournée vers eux. Donc, leur minute de gloire. Donc, et indirectement, puis, c'est qu'indirectement, les médias, quelque part, font la glorification du terroriste en leur donnant l'équivalent de milliers, voire même de millions de dollars de publicité en termes de visibilité médiatique. Ben, c'est leur rôle secret. Ça fait partie du mouvement. Parce que au fond, là, ben, si on regarde, par exemple, en France, M. Macron dit qu'il a... Il a dit qu'ils étaient sortis de l'état d'urgence et puis il a décrété que l'état d'urgence était fini, mais les lois qui ont été votées pendant l'état d'urgence en France aujourd'hui font partie des lois régulières. Donc, il y a un jeu là-dedans qui est lié là, à la gestion des masses, tout simplement. Puis les médias font partie de cette systémique-là. Donc, autrement dit, c'est intéressant. Alors, je veux juste m'arrêter pour bien comprendre que à travers l'événement, on fait voter des lois. Ensuite, la situation de crise est finie, mais on garde les mêmes lois. Fait que tranquillement, l'entonnoir se referme sur le peuple. Oui, c'est ça le but. OK. Fait que c'est un petit peu le même principe, dans le fond, que plus que des chocs, plus qu'à ce moment-là, on augmente le niveau de sécurité puis on diminue la quantité de liberté. Ben c'est ça. Puis c'est de la gestion de masse parce que l'être humain... actuel de notre époque sa sensibilité augmente. Et puis, il y a des gens qui veulent gérer ça et gérer à travers ça. Puis, ça fait partie de... Bon, on pourrait les traiter de ce qu'on veut, là, mais ça fait partie de leur travail. Puis, même une fois qu'on le voit, on est... Moi, regarder à répétition quelque chose que je sais, ça vient que je trouve ça inutile. Donc... Puis une fois qu'on le voit, on n'en fait plus partie nécessairement, même si par le contexte, oui, là, on n'a pas le choix. Mais non, il y a énormément d'hypocrisie là-dedans, mais ça a tout le temps été comme ça. Ça fait partie de l'art de gouverner. Puis il faut, et s'ils veulent faire, si ces gens-là veulent accomplir certains projets qu'ils veulent faire, ils ont besoin de justificatifs. Puis c'est certain qu'ils vont tout faire pour aller dans ce sens-là. Mais pour ça, ça prend de l'attention. Il faut que les gens soient sous tension parce que c'est à travers ça qu'on les gère. Mais au fond, ces hommes-là qui ont le pouvoir, si on peut dire, ils agissent exactement comme les plans parce qu'ils y sont liés sans le savoir. Il y a une sorte de... Ils sont mandatés, si on peut dire. Donc, ça passe par ça. Et puis, ça fait partie du contexte là, expérimental là, sur Terre. Puis... Mais une fois qu'on le voit, c'est surtout de ne pas paniquer avec ça et puis de délirer avec ça. Puis de pas. Moi, ça vient que ça me dérange plus vraiment. Parce que mon but principal, c'est de ne pas être décentré. Bien, c'est-à-dire que ça ne te dérange pas tant aussi longtemps que l'attentat terroriste n'a pas lieu dans ta cour. Mais si un jour ça a lieu dans ton environnement, Bien, je ne serai pas là, probablement. Si le plan mental te donne l'information ou une entité de ne pas aller là, mais si on te coupe l'accès à l'information, ben tu vas te retrouver là. Ben oui, mais là, ça ne durera pas longtemps. Puis, de toute façon, je me rends compte avec le recul que j'ai toujours fait ce que j'avais à faire malgré moi. Donc, je viens que je ne m'inquiète plus là, avec des choses comme ça. Mais justement, c'est qui ou quoi qui détermine ce que tu as à faire? Bon, c'est pas important. Je n'accorde pas d'importance. Ben, pour moi, c'est important parce que il y a quelques secondes, on disait qu'il y a certains dirigeants qui vont être les pions de d'autres forces puis ils s'en rendent pas compte. Puis de mon point de vue, quand que, entre guillemets, ça me dit de faire quelque chose, là, je regarde derrière ça la hauteur de la vibration qui cherche à me commander un mouvement. Pour voir si c'est une vibration astrale, mentale, voir c'est quoi qui est derrière la pensée qui veut m'amener à agir. Ben, dès qu'on accorde de l'importance, on est lié. Puis on va voir, mais ça va être superficiel. Donc je fais. C'est pour ça là, que je dis ben, au fond, c'est pas important parce que. Sinon, ça revient à réaliser notre impuissance. Mais une fois que c'est su, ben, Ça vient encore que ça viendrait à me décentrer, là. Je peux comprendre que c'est bien important pour beaucoup de monde, mais j'accorde plus d'importance tellement à ça. Parce que ce qui a arrivé va arriver quand même, là. Puis je peux pas rien changer par rapport à ça. Mais est-ce qu'on peut dire à ce moment-là donc que tu serais fataliste? Oh, c'est bien pire que ça. Oh! Non, ben c'est pas question d'être fataliste, mais d'être réaliste un peu, dans le sens que je veux pas perdre de l'énergie inutilement. C'est une question de gestion puis d'ergonomie, parce que ça me décentrerait tout simplement. Oui, je comprends ce que tu veux dire, puis je suis d'accord avec toi que si on se met à réfléchir toutes les pensées pour les évaluer, c'est une perte d'énergie. Par contre, moi, je me permets, par rapport à des mouvements qui ont beaucoup d'impact, d'en faire l'évaluation. Parce qu'après tout, si une pensée t'amène à dire, ben, je vais faire un voyage pour tel endroit et que ça représente quand même une bonne dépense d'argent, ben, c'est d'évaluer vibratoirement si ça se tient. Pour pas commettre l'action. C'est sûr que dans un point de vue fataliste, tu vas être manipulé par le faire que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas le voyage, mais de mon point de vue, il y a quand même un bout qui m'appartient dans le sens que c'est quand même moi qui concrètement va prendre le téléphone pour réserver mon hôtel à un endroit si je fais un voyage. Donc, il y a quand même un aspect au niveau de l'action concrète que je peux faire en relation avec un projet ou une programmation qui m'appartient. Oui, ben ça fait partie de l'ego. Puis, mais j'en viens là à m'en remettre. J'en viens à m'en remettre à mon intuition en temps réel. OK. Fait que j'essaie de pas me projeter, et puis je laisse s'accomplir là un mouvement au moment où il me vient. Puis l'évaluation elle est en temps réel là où. Comment je pourrais dire ça, c'est toujours très. C'est difficile à expliquer. Je viens que l'évaluation se fait d'une façon automatique, en temps réel. Et puis une fois que c'est fait, puis que je suis dans le temps, je suis rendu un peu plus loin dans le temps, ce qui a été fait avant, je l'oublie de toute façon. Oui. Par contre, moi, je trouve ça quand même, en tout cas, c'est mon point de vue, intéressant de faire l'étude des forces qui peuvent nous amener à commettre certaines actions, puis des fois faire des tests. Comme moi, intérieurement, ça me dit de pas acheter un livre. J'ai fait le test, j'ai commandé le livre, puis là, je lis le livre, puis je le regarde pour voir si la force avait raison. Puis là, à l'heure actuelle, je suis obligé de dire oui. Mais à travers cet expérimental-là, qui est une action, entre guillemets, qui n'est pas intelligente, c'est comme ça que je teste en guillemets, mon contact avec l'invisible. Ah ben ça c'est correct parce qu'au fond c'est de vérifier dans la matière, puis c'est très bien. C'est ça, mais le point, c'est que, de mon point de vue, l'être humain a quand même un pouvoir d'agir au niveau de la vérification empirique de certains éléments, puis aussi de certaines actions qu'il peut commettre, bien qu'il y ait des événements qui lui échappent, dans le sens que s'il y a il est prévu que j'ai un accident d'automobile, que je ralentisse ou pas la vitesse, de mon auto. Si ça allait arriver, ça va arriver. Puis d'ailleurs, j'ai eu à un moment donné un accident d'automobile alors que je ne roulais pas. J'étais dans une file. Puis là, je me suis fait rentrer dans le derrière par une autre auto. Donc, autrement dit, j'ai pas participé à ça. J'étais plutôt passif. Puis ça, c'est l'événement a eu cours. Oui, ben, on a besoin d'avoir un certain pouvoir, au sens où on le voit comme qu'on a une possibilité d'intervention sur ce qui arrive. Et puis, ça fait partie là, de l'intégration de l'expérimental. Puis, c'est correct. Non, je vois aucun problème avec ça. C'est OK. juste que c'est dès que ça devient. De toute façon, on le voit à un moment donné quand ce mouvement-là là, devient sa descente. Puis c'est juste là, à ce moment-là, j'arrête le mouvement et puis j'observe. Mais c'est d'être un observateur. Il y a quelque chose de passif et d'actif en même temps dans l'observation. Juste de voir ce qui se passe. Puis tout d'un coup, l'étude n'est plus au même niveau, là. Ça devient quelque chose qui est un mouvement qui va de soi. C'est juste de voir ce qui se passe en temps réel. Puis de pas se laisser décentrer. Puis à ce moment-là, oui, il arrive des événements, mais on devient un peu comme l'œil d'une tornade, là, si on peut dire, l'œil d'un ouragan. Puis on regarde ce qui se passe autour, et puis on dirait que ça va. Justement, on a moins besoin d'intervenir, on dirait que les choses vont s'ajuster. Puis c'est très subtil, c'est très difficile à décrire, mais vraiment, là, je prends plus. Je prends encore des décisions à long terme par rapport à de la gestion là, au quotidien, tout simplement par pragmatisme, mais c'est sans y réfléchir. C'est tout simplement que je n'ai plus à. La décision va venir d'un coup là, sans que j'aie à y penser quand c'est le temps. Puis ça fait que je commets encore des erreurs, mais sauf que je vais. C'est difficile à décrire, mais je vais utiliser l'énergie qu'il y a dans mon erreur. Oui, c'est sûr qu'on peut utiliser créativement les erreurs. Un petit peu comme André Moreau en parlait, il disait faire un usage positif du négatif pour donner le mieux, qui est quelque chose qui est au-delà des deux polarités. Oui, mais là, d'aller au-delà des polarités comme ça, je trouve ça polarisé pareil, là, mais parce que je sais pas, là, rendu là, ben, Monsieur Moreau, j'ai fini par délaisser là, beaucoup de choses parce que, mais en tout cas, ça, c'est correct aussi, là, ça dépend comment on l'interprète ça, mais l'affaire, c'est justement que je l'interprète plus vraiment, là. C'est un peu comme si pour qu'on ben c'est ça, moi je le vois là, pour le parler là, ça serait d'utiliser l'énergie tout simplement là, de l'expérimental pour plus être à la remorque mais même si on est au volant de l'expérience, ça veut pas dire qu'on peut prévoir ce qu'il va y avoir sur le parcours. Puis c'est juste d'être on finit par devenir un improvisateur là, puis c'est tout simplement un mouvement qui va de lui-même, et puis si on ne le réfléchit pas, ça va beaucoup plus rapidement, c'est tout. Oui, par contre, le point, c'est d'avoir une conduite qui est sans réflexion, mais qui est ajustée avec la vibration, parce que j'imagine que c'est là-dessus que tu veux en venir, parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas dans la vie, puis ils sont impulsifs, puis là, ils ont des problèmes de consommation de drogue à cause qu'ils sont impulsifs, puis sont très, réactifs à l'égard de l'événementiel. Oui, ben là, ils sont à la remorque, là. Ils sont, et ben justement, ils sont réactifs. Donc, c'est complètement différent, mais pourtant, au lieu d'y aller avec la vibration, c'est la vibration qui va avec eux, là. Puis c'est terrible, ça, mais j'ai déjà été comme ça, là. Puis, c'est tout simplement. Donc, ben, ça fait partie, là, de l'apprentissage, et puis c'est bien de passer par là aussi, ça peut être bien. Je viens que je vois plus de. Je vois plus de problème là. Il y a des gens là que ils ont passé par des drogues dures comme l'héroïne et puis finalement ils sont passés à travers et puis ça fait partie de leur évolution si on peut dire. Puis c'est correct. C'est tout simplement de pas tant que c'est pas qu'on se laisse pas. Il y a un mouvement auquel il faut se laisser aller, mais juste ne pas être à la remorque de ça. Puis c'est surtout, ça passe surtout par de l'observation, puis de la présence. C'est d'être très, très présent, mais pas dans le sens réactif, là, comme on voit là, des gens qui deviennent très agressifs. Et puis, moi, je me choque plus, j'ai plus de conflits avec les gens depuis que je suis trop occupé à être en observation. Puis ça fait que s'il y a des événements là, qui fait qu'il y a des gens qui sont très agressifs autour et puis qui m'envoient ça, là, je suis en observation de ça, ce qui fait que je réagis pas et puis ça finit que ça calme les gens. Puis Oui, j'ai. c'est sûr que ça peut aider à calmer le jeu, en Oui. effet. Mais en même temps, des fois, de se fâcher, ça permet de s'affirmer aussi pour pas se laisser marcher sur les pieds. Quand c'est le temps, c'est juste l'affaire d'être ajusté, de se Oui. fâcher quand c'est le temps que c'est utile, c'est tout. Exactement. C'est sûr que dans un sens, c'est auto-régulé vibratoirement que tu vas ressentir qu'à un moment donné, c'est ajusté, puis un autre, non. Ouais, ben, c'est une sensibilité justement qu'on atteint, puis pour l'atteindre, il faut passer par l'expérimental. Il faut avoir été. comment je pourrais dire, il faut avoir été dans l'erreur pour en sortir. Ça peut sembler paradoxal, mais on dirait que c'est voulu comme ça. Puis on vient que finalement, là, je m'emporte beaucoup moins, mais quand c'est le temps, là, je viens à bout de le faire. Et puis, mais c'est juste que ça soit quand c'est le temps, que ça soit ajusté, c'est tout. Puis c'est de l'ajustement, puis ça s'intègre. Mais c'est comment je pourrais dire ça, d'accorder moins d'importance à des choses qui, au fond, que ça serait se faire décentrer, mais ce n'est pas non plus de tout prendre à la légère, là, comme certains. Parce que là, si on prend tout à la légère et puis que ça aboutit que finalement, la personne ne construit jamais rien, puis. Parce que quelqu'un là qui ne construit jamais rien, puis qui est à la remorque de son expérience, au fond, c'est parce qu'il stagne, là, il y a quelque chose, la construction de la personne est arrêtée aussi. Donc, c'est pas de prendre, quand je dis d'être détaché, c'est pas de prendre les choses à la légère non plus. C'est juste d'être, une fois là qu'on observe quelque chose, il y a un cloisonnement qui fait qu'on va le voir. On n'a pas le choix d'être détaché pour observer quelque chose. On ne peut pas observer la façade d'une maison en restant dans le salon. Non, c'est ça. C'est sûr que l'observation amène une certaine forme de détachement. D'ailleurs, ça me fait penser à l'exercice que j'avais déjà vu là, une couple de semaines, c'est-à-dire que la personne a dit « Je me détache de l'environnement que je perçois. » Non, je prends un recul par rapport à l'événement que je perçois. Je prends un recul par rapport à ma perception et je prends un recul par rapport à moi qui perçois l'événement. Fait que là, il y a comme un méta-recul qui s'installe, là, tu sais. Peut-être un petit peu compliqué ce que je dis, là, mais c'est que on prend un recul de plus en plus. Tu sais, c'est comme je vois telle chose, je me vois voir telle chose, et je m'observer percevoir telle chose. Ça va Oui, loin, là. ben, là, ça, c'est si on l'intellectualise parce que c'est censé se faire sans qu'on ait à le. Mais là, je peux comprendre qu'une fois que le processus est vécu, qu'on peut après ça le verbaliser comme ça. Oui, ben Mais. ça permet, en tout cas c'était pour dédramatiser les émotions. Puis je trouvais ça intéressant, dans le sens que quelqu'un peut dire « je ressens de la colère », ensuite la personne peut dire « je perçois de la colère », »,« je perçois que je ressens de la colère » et « je me vois ressentir de la colère », mais je me vois m'observer ressentir de la colère, fait que là t'es super détaché quand t'en viens à verbaliser ce genre de choses-là. Oui, ben, c'est une fois qu'on observe la colère d'une façon détachée, l'énergie qui est dans la colère est réacheminée dans d'autres structures et puis la colère va disparaître. Mais à moins, mais il va y avoir possibilité qu'elle se remanifeste, mais quand c'est le temps par rapport. Parce que c'est ça, si on voit ce qui se passe, on finit par avoir du discernement, tout simplement. Puis je le vois là comme de la gestion, c'est de l'ergonomie du ressenti, entre autres. Exactement, mais l'idée de l'exercice, c'était pas non plus de sombrer avec, là, c'était plus dans le sens de dire que ça peut être utile pour faire une transition pour atteindre ce niveau de détachement. Oui, puis c'est très bien. Puis de toute façon. Quand on observe quelque chose, même si c'est avec détachement, c'est pas non plus d'être détaché de ce qu'on observe parce que j'ai vu des gens qui tombaient dans des états contemplatifs, qu'au fond, ils étaient détachés même de leur observation. Et puis ça, c'est pas souhaitable. Oui, dans le sens qu'ils sont plus là, ils sont plus présents. C'est ça parce que ça passe par de la présence. Oui, c'est particulier tout ça. C'est complexe, hein? Moi, j'essaye, dans la mesure du possible, de ramener ça à du concret pour que je puisse en faire une intégration dans mon quotidien. Et c'est la raison pour laquelle, à présent, j'aimerais ça, si ça t'intéresse, t'entendre parler d'une expérience concrète que tu as vécue en termes d'observation multidimensionnelle que tu as faite dans ta vie de tous les jours. J'étais quelqu'un qui avait mauvais caractère. Et puis, j'ai un de mes oncles, c'est vraiment quelqu'un Ben, il est misogyne, il est raciste, il a tous les. Puis quand je discutais avec lui, souvent ça finissait en chicane parce que j'étais très réactif, puis puis je voulais à tout prix qu'il se voie. Puis aujourd'hui, je m'entends bien avec lui parce que je me suis observé, puis je me suis rendu compte que il y avait un manque de respect de ma part pour son expérience à lui. Puis maintenant, je l'écoute ce qu'il a à dire. Et puis quand je suis d'accord, je le dis. Quand je suis pas d'accord, je me tais tout simplement. Puis je le laisse parler. Et puis ça fait que je m'entends bien avec quelqu'un qui est complètement à mon opposé. Puis j'ai développé là une non-intervention. Par l'observation, je me suis rendu compte que je manquais de respect pour l'expérience des autres. Puis c'en est là, de l'observation multidimensionnelle, c'est que je me suis rendu compte que je lui nuisais, que je m'ennuisais parce que j'étais trop, justement, trop réactif, parce que je m'observais pas suffisamment. Et puis j'ai fini par apprécier quelqu'un que je détestais. Donc, autrement dit, ça revient au principe de se mêler de ses affaires au lieu d'essayer de corriger l'autre en fonction de valeurs morales ou éthiques. Oui, c'est ça, parce que ça m'a permis de voir mon propre orgueil. L'orgueil que tu pouvais avoir dans le sens que c'est moi qui ai raison, puis c'est moi qu'il faut que je change l'autre, puis l'autre faut qu'il pense comme moi. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, des fois, je vois des conflits, des gens qui se confrontent beaucoup parce qu'ils vont prendre. Mais aujourd'hui, je peux mieux voir les conflits parce que je prends pas position. Puis je vois ils ont raison des deux côtés, ils ont tort des deux côtés. J'ai plus de discernement, puis je considère que c'est leur expérience. Donc c'est pas moi là qui va aller manifester dans la rue d'un côté ou de l'autre. C'est beaucoup plus intéressant d'observer le mouvement et de rester ami avec tout le monde. Dans un sens, mais en même temps, de mon point de vue, il y a un relativisme contemporain, pour employer une expression complexe, pour tout le temps, pour tout simplement dire qu'il y a une forme de relativisation des valeurs dans la société, à la différence de l'époque religieuse où il y avait certaines valeurs clairement définies. Et le danger par rapport à tout ça, c'est que tout le monde met n'importe quoi sur un piédestal. Donc, il y a des valeurs qui sont aberrantes. Mais c'est sûr que je comprends l'attitude de détachement que tu as. Mais c'est sûr que si on me pose une question, par exemple, qu'est-ce que je pense de tel sujet, je peux me positionner puis dire, ben moi, je ressens que la vibration est plus élevée, telle chose plutôt que telle autre. Par contre, c'est vrai que j'ai pas nécessairement à convertir mes oncles ou des gens de mon environnement immédiat qui n'ont pas la même sensibilité et qui pourront même pas interpréter avec leur senti ce que je peux leur transmettre au niveau d'une parole en relation avec un senti. Ben, si on me demande mon opinion et que je sais que mon opinion va créer de la réaction, ben je vais nuancer ce que je dis le plus possible, mais c'est pour des raisons de m'ajuster là à l'autre, tout simplement. OK. C'est là que j'allais en venir, c'est que pour s'ajuster à l'autre, est-ce qu'on va au point de participer à quelque part au mensonge cosmique puis désinformer l'autre par rapport à certaines choses parce que on évalue qu'à quelque part, il n'y aurait pas la capacité de le prendre, donc on va dire le contraire ou on va. Non, non, ça va pas jusqu'à dire le contraire, mais c'est de la porter sous une forme qui va faire que la personne va être moins réactive, tout simplement. Il y a moyen de, c'est dans la façon de Oui, l'exprimer. je comprends. C'est-à-dire faire preuve d'une certaine délicatesse pour pas amener la personne à connaître un état de réactivité émotionnelle puis de un débordement suite à nos propos. Mais en même temps, quand que je regarde ça, je me dis tranquillement, à mesure qu'on évolue en conscience, on se rapproche un peu des comportements des entités du plan mental qui, pour ménager l'être humain, vont le désinformer ou lui cacher sciemment certaines choses. Ce qui participe au phénomène du mensonge cosmique. Oui, ben c'est plus parce que des fois là, ils vont carrément mentir pour qu'on, ils font exprès pour qu'on s'en rende compte, mais ils peuvent se le permettre eux, parce qu'ils sont, on, ils, c'est, on peut pas les ramasser puis les rentrer dans le mur là, on peut pas, mais non, c'est tout simplement de prendre de respecter l'énergie de l'autre personne tout en perdant pas la sienne propre. Puis les ajustements, de toute façon, ils finissent, qu'ils se font tout seuls. Puis non, c'est pas, je vais jamais mentir à quelqu'un puis dire le contraire de ma pensée. Je vais simplement là, adapter, là, je vais m'adapter. Puis c'est aussi là, de rester disponible là, dans le sens de. Comment c'est difficile à expliquer, mais c'est de respecter l'autre en tant que manifestation, tout simplement. Puis il y a son énergie à lui. Puis je peux dire une opinion contraire, mais s'il n'y a pas trop d'ego de la façon dont je l'exprime, la personne va être moins réactive, puis elle va être plus portée à respecter le fait que je suis d'une opinion autre. Oui, dans le sens que si tu l'exprimes l'opinion avec une certaine objectivité, donc dans un état qui n'est pas coloré là, d'émotivité et de forme là, très astrale. Oui, ben on dirait que ça se passe dans le subtil par rapport à l'énergie parce que c'est même des fois, là, je vais dire des choses que je le sais que si je l'avais dit il y a quelques années, la personne devant moi se serait mise en colère. Puis pourtant, je dis la même chose que j'aurais dit il y a quelques années, mais on dirait que c'est dans le subtil que ça se passe. L'énergie qu'il y a dedans est différente. Puis on dirait que ça se passe au-delà, là, des formes. Puis il y a moyen, là, de dire à quelqu'un qui. Ce qui fait pas intelligent sans que la personne se sente insultée, mais on dirait que c'est pas lié au niveau de la forme. Et puis, de toute façon, on dirait que c'est lié là, c'est lié à, c'est comme s'il n'y a pas d'ego dans le propos, si c'est pas lié à ça, que c'est tout simplement lié à une certaine franchise, mais qui est une sincérité là au-delà de, on dit, la personne inconsciemment, elle va réagir différemment, puis c'est tellement subtil que je vois mal là, comment le verbaliser, mais ça vient que les choses, ça vient de soi-même. Les choses vont d'elles-mêmes, puis ben il y a quelque chose là-dedans qui est lié à une adaptation subtile à l'énergie de l'autre. Si intérieurement on respecte l'autre en tant qu'autre, ben déjà là, même si ce qu'on va dire, la vibration dans le propos est différente. Même si on dit la même chose que si on l'aurait dit avec un irrespect. Oui, à cause de l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on peut dire je t'aime avec un certain ton de voix et les mêmes paroles je t'aime avec un autre ton de voix et ça prend une signification totalement différente. Ouais, mais ça va au-delà de ça, c'est encore plus subtil que le ton de voix. Puis Oui. on À dirait. travers l'intentionnalité, la vibration qui se dégage de ça. Oui, puis c'est pas capté consciemment. Non, c'est ça, c'est capté psychiquement au niveau de l'énergie. C'est sûr qu'en fait, l'essentiel de la communication, c'est dans ben, il y a le ton de voix aussi, le non-verbal, mais c'est des aspects qui ne sont pas liés au contenu manifeste. Parce qu'il y a des choses que je sais que. Même si je l'ai dit exactement avec le même ton de voix, avec le même langage corporel, avec il y a quelque chose qui fait que pourtant la réaction va être différente. Puis là, c'est vraiment dans le subtil que ça se passe. C'est parce qu'on est tout le temps porté à ramener ça, bon, à des formes, à des manifestations de surface. Mais il faut comprendre que l'autre aussi a sa sensibilité, qu'inconsciemment, il sait et qu'il voit. Et que c'est ça qui est important. Oui, exactement. D'être capable de respecter l'autre, bien sûr, dans ses propos, sa sensibilité, tout en se respectant soi-même aussi. Oui, ben de toute façon, pour respecter l'autre, il faut se respecter soi-même. Oui, si on n'est pas dans l'optique d'un sacrifice, là, comme certains chrétiens qui autrefois allaient se sacrifier par dévouement par rapport aux autres. Ils ne respectaient pas leurs limites et s'épuisaient là pour vouloir sauver la veuve et l'orphelin. Oui, parce que ça, c'est réellement, c'est pas intelligent. Puis vraiment, il n'y a pas un. Il y a quelque chose là-dedans, là, d'une autodestruction à travers l'autre. Là, c'est comme si la personne accepte de se faire vampiriser par l'expérience des autres. Ça, c'est plus que. C'est carrément c'est comme du nihilisme, là, de sa propre réalité. Puis quelqu'un qui se respecte pas à ce niveau-là, puis qui veut sauver tout le monde, ben, au fond, ses actions vont avoir beaucoup moins là de, ils vont avoir, ça va avoir beaucoup moins d'effet. Puis juste le fait là d'être, de respecter, de se respecter soi-même, ça fait déjà que on va attirer moins à soi justement des expériences où on est obligé de se sacrifier ou de subir. C'est surtout de pas faire subir rien, puis de pas subir rien, mais le plus possible. Puis ça passe par tout simplement là une acceptation que ben on est encore dans l'expérimental et puis que c'est nécessaire et puis c'est correct comme ça. Parce que sinon, il y a de la vibration émotive, là, et puis ça subjectivise l'expérience. Puis c'est sûr, c'est de rester. On perd de l'observation, on perd de la présence, et puis là, c'est là qu'on est charrié par ce qui se passe. Et puis ça finit par des gens qui, non seulement vont vouloir sauver tout le monde, mais ils vont s'autodétruire là-dedans. Puis d'ailleurs, chez les mystiques là, chrétiens, là, ça aboutit tout le temps à de l'ascétisme, de destruction, là, comme Mère Teresa qui dormait la tête sur une bûche, là. Ça, quand on l'observe comme il faut, on se rend compte que ce n'est pas intelligent. Parce que là, quand on est rendu cuit par le soleil, là, puis qu'on a l'air de. C'est difficile là d'aller aider les gens quand on est rendu atténué dans notre présence par l'expérience là au point que de s'enlaidir là puis de devenir courbé puis tout ça dans le fond ça devient une forme de masochisme au fond ce qui les attire on dirait que c'est la souffrance des autres et puis il y a quelque chose là-dedans d'un nihilisme et d'une autodestruction puis si on Oui, l'observe comme il faut, on se rend compte que c'est malsain. c'est totalement malsain. Concernant Mère Teresa, à un moment donné, j'avais écouté une émission qui disait que Mère Teresa, c'est une émission d'André Arthur, que à quelque part, on la voyait souvent comme une sainte, comme une bonne personne, mais en réalité, c'est une personne qui était un monstre. Lui disait que Mère Teresa ne donnait pas des soins palliatifs aux gens qu'elle soignait, pour enlever la douleur en fin de vie lorsqu'il était malade, atteint de maladies graves. Donc, elle agissait ainsi parce qu'elle disait apparemment, c'est sûr que j'étais pas là, qu'il n'y avait rien de plus beau que de voir un patient souffrir parce que ça lui faisait penser à Jésus qui avait souffert sur la croix. Ben oui, là, ça devient. C'est là qu'on le voit à quel point c'est malsain. Même au fond, cette femme-là, c'était possiblement là, une hystérique. Parce qu'on voit que ce qui l'attirait, c'est la souffrance des autres. Puis elle trouvait ça beau. Donc là, on tombe là dans. C'est terrible, là. Puis oui, moi, je suis d'accord qu'au fond, c'était un monstre. Mais elle a fait sa job au sens qu'aujourd'hui, on peut la voir comme un monstre et puis ça sert. Elle désinfectait même pas les seringues et puis probablement qu'elle a transmis des maladies à ses patients. Exactement. Fait que des fois, ce qui s'est présenté socialement comme étant des modèles sont en réalité des êtres qui ont un certain niveau d'inconscience, donc qui, dans certains cas, manquent de jugement là, au niveau fondamental. Ben oui, il n'y a aucun discernement là-dedans. C'était quelqu'un, dans le fond, ces gens-là manquent de présence parce que, donc, ils ont besoin de souffrir et de palper de la souffrance. Et puis là, ils vont même dire que c'est beau. Donc, au fond, elle est partie, là, puis c'est très bien comme ça, là. Mais elle a fait un travail qui sert quand même parce que plus les années vont avancer, plus cette dame-là va être vue comme quelqu'un qui avait des gros problèmes psychiques, là. Ouais, parce qu'elle était dans la dynamique de la glorification de la souffrance. C'est-à-dire qu'autrefois, les gens croyaient qu'il fallait qu'ils souffrent pour atteindre le paradis, puis la rédemption passait par la souffrance. Donc, c'est sûr Oui. que c'était quelque chose, puis j'étais content qu'André Moreau dénonce ça. C'est sûr que là, je parle beaucoup d'André Moreau depuis tantôt, parce que là, ces temps-ci, je lisais un petit peu ses écrits, ses œuvres, mais... Lui, il disait qu'à un moment donné, il avait parlé avec une religieuse. Puis la religieuse, il aurait dit, ben, je peux pas mourir tout de suite. J'ai pas encore assez souffert pour gagner mon paradis. Fait que ça faisait voir l'absurdité de la situation. Mais il risque. C'est un peu. Ben c'est comme André Moreau, lui, il a dénoncé beaucoup la transcendance parce que ça amène à ça. C'est, les gens veulent gagner leur ciel. Puis à cause de ça, ils s'empêchent, ils s'interdisent de la réussite, ils s'interdisent du bien-être. Et puis ça, c'est pas intelligent. C'est vraiment. Mais lui, il oppose la transcendance à l'immanence. Puis à mes yeux, il y a une polarité là-dedans. C'est juste là d'avoir un juste milieu là, du discernement. Parce que là, si c'est pour le contraire, là, de tout le temps être dans la fête, et puis ça se paye ça aussi un jour parce que c'est l'autre polarité. Oui. Par contre, c'est sûr, au moment qu'il a amené ça au Québec, dans les années 60-70, où le Québec était très religieux, teinté de religiosité chrétienne qui valorisait la souffrance rédemptrice, toutes ces choses-là, ben là, d'amener la polarité contraire du plaisir puis de la jouissance, ben là, ça permettait de trouver une forme d'équilibre. Ben oui, ben il a fait son travail, puis il l'a bien fait, puis c'était nécessaire. Mais c'est ça, là, quand ben ça fait du mouvement. Puis, au fond, mais ça peut aboutir à une autre forme de monstruosité, là. Oui, parce que en fait, c'est sûr que si une polarité remplace l'autre, ben l'individu est toujours pas libre parce qu'il agit en fonction d'une polarité. Oui, ben c'est ça. Puis j'avais dit à Moreau au téléphone, j'ai dit. Pourquoi, après ça, se lancer dans l'immanence? Je dis, il ne pourrait pas y avoir une immanence transcendante, puis une transcendance immanente. Puis là, je voyais qu'il était tout. Ça le déstabilisait un peu, là. Puis là, comme d'habitude, il voulait plus là, trop jaser. Puis je me disais, bon, ben là, j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose, mais moi, je voulais lui en parler pour vérifier, parce que je me disais, peut-être qu'il va réussir à me faire voir qu'il a raison. Puis que j'ai tort, mais même là, c'est pas d'avoir raison ou tort, parce que aujourd'hui, je le vois qu'il a bien fait de faire ça, ça prenait ça. Puis c'est bien correct, là. Puis même Mère Teresa, là, elle a fait un travail au sens où maintenant, on voit là que c'est comme la sainte algonquine, là, Kateri Tekakwita, qui se flagellait, puis. Qui faisait des genoux flexions là, au point de se déboîter les rotules. Aujourd'hui, il la mettrait en psychiatrie, là, il dirait qu'elle a des gros problèmes. Puis quelque part, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes capables de le voir, ça permet de nous rendre compte que ces gens-là ont accompli un travail par leur extrême. Oui, exactement. Et puis tout ça, ça me fait penser au fait que quelque part... La polarité inverse peut être utile pour une autre polarité de mieux se définir ou s'équilibrer. Donc, c'est sûr que l'aspect expérimental de la Terre, où on retrouve des êtres de différents niveaux vibratoires, ça amène l'être humain à se positionner par rapport à différents aspects. Donc, ça peut participer à une forme d'intégration énergétique. Ah oui, puis c'est très, très bien fait, parce que le fait de se promener d'un extrême à l'autre, on n'a pas le choix pour développer du discernement. Exactement. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, ça amène l'individu à mieux se définir par rapport à lui-même et également à son environnement, là, tout ça. Oui, puis c'est là que j'en viens à me dire que je finis par avoir un respect de l'expérience des autres, parce que ça sert, qu'on le veuille ou non, ça sert. Et puis... on finit par devenir là, pragmatique, au sens où il y a moyen que tout serve, puis ça fait partie là, de l'intégration là, de l'expérimental. Puis moi, Mère Teresa, les gens qui la voient comme un modèle, je trouve ça correct, ils sont rendus là, puis une fois qu'ils auront vu si ça arrive, ben ça va faire encore partie de leur expérimentation puis de leur apprentissage. Puis si elle a pu servir à ça, puis si ça passe par ça, ben c'est correct. Exactement. Fait que ça nous ramène, dans le fond, à s'occuper de ses propres choses puis laisser les autres vivre leurs expériences. Oui, parce que Il y a un irrespect de l'expérience des autres. On se nuit à nous-mêmes. Oui. C'est parce que l'autre est un peu lié au rapport à soi. Ben, il est totalement lié. Si on parle de l'autre strictement dans le domaine psychologique, il y a tout le temps la notion du reflet par rapport à soi, puis le positionnement, parce que sans ce qu'on n'est pas, ce qu'on est n'est pas. Exactement. Ben, l'autre est, comme on ne peut pas sortir de soi, l'autre devient une représentation pour le rapport à soi. Puis les gens qui ne respectent pas les autres, c'est à cause de leur incapacité de se rendre compte qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Donc, Exactement. fait qu'ils sont tout le temps dans l'opprobre, dans le jugement. Puis au fond, ben, s'il faut passer par là pour en sortir, ben, ça vient qu'on le voit comme ben, c'est peut-être bien. Donc, Ouais, quoique par rapport au respect de soi, ça c'est un autre aspect, c'est-à-dire que lorsque les gens se conscientisent habituellement, leur degré de respect envers eux-mêmes augmente et en parallèle celui envers les autres personnes de leur environnement. Mais si les autres personnes de leur environnement n'évoluent pas au même rythme, des fois ça devient problématique d'être en contact ou de trouver des gens avec lesquels on va être capable de se sentir respecté, étant donné qu'ils n'ont pas conscience d'aspects qu'on est capable d'avoir conscience. Et malgré eux, sans s'en rendre compte, inconsciemment, ils peuvent nous manquer de respect parce qu'ils n'ont pas la sensibilité de percevoir autant la notion du respect qu'une personne, en fait, qui a s'est conscientisée, là. ouais, ben, ça peut créer des conflits, mais de toute façon, il y a des phases comme ça. Parce que la personne qui se conscientise, elle va vouloir conscientiser, et puis il y a de l'orgueil là-dedans. Puis finalement, ça finit que on finit par tomber là, sur des gens plus ajustés. Puis et on finit aussi à pas vouloir conscientiser de force des gens qui sont pas rendus là. Puis ça vient là avec, ben, c'en est du respect. Parce que yeah. C'est sûr qu'en se conscientisant, les pièges sont encore plus subtils. Puis un des pires dangers, c'est de développer un orgueil. Puis là, c'est là, parce que ça fait on devient irrespectueux. Puis là, on voudrait faire évoluer des gens de force. Et puis, il n'y a rien de bon qui peut sortir de ça. C'est leur expérience à eux. Puis, mais on finit là par trouver d'autres gens plus ajustés. Puis ça fait que on vient qu'il n'y a pas de chicane avec personne, là, parce que chacun a sa fonction, puis l'entourage s'élargit, puis ça devient plus ajusté, puis c'est aussi de, si on s'ajuste, les choses vont s'ajuster, puis ça se fait tout seul, là, c'est autorégulé, puis c'est bien fait, puis même quand il y a des conflits, au fond, c'est de pas être, si on n'est pas réactif, et puis ben, les conflits se règlent tout seuls, puis ça va plus rapidement, puis c'est très bien, mais il va toujours y avoir une phase là où la personne qui se conscientise va essayer d'agir dans l'expérience des autres, et puis ça, c'est des fois c'est une phase nécessaire pour se rendre compte que ça fonctionne pas comme ça, puis encore là, c'est correct. Exactement. Fait que c'est sûr que de t'entendre parler depuis tantôt, j'ai l'impression qu'à quelque part, de ton point de vue, tout est correct. Ben, c'est sûr que c'est. Ben, moi-même, quand je regarde ça comme ça, moi, ça peut. Ben, c'est toi qui disais là, qu'on finit par ressembler au plan mental un peu, là. Exact. Puis, non, tout n'est pas correct, là. Sinon, ça évoluerait pas. Parce que si tout était correct, on serait figé. Ça marcherait pas. Il y a des choses qui sont pas correctes, il y a des choses qui n'ont pas d'allure, mais dans l'ensemble, ça fait partie que c'est comme ça. Puis de toute façon, on sort du correct, pas correct, là, rendu à ce niveau-là. Puis non, c'est sûr qu'il y a des choses que j'approuverai jamais, là. Exactement. En fait, il ne faut pas sombrer dans l'attitude qui consiste à dire que tout est correct. Ben oui, c'est ça, parce que sinon, là, je vais aller vivre dans les bois, là, avec une toge, puis. Ça serait nuisible là, parce que là, à ce moment-là, ça devient de la spiritualité, puis c'est tellement subtil qu'on s'en rend pas compte. Oui, ben c'est ça, puis ça induit une passivité dans le sens qu'on n'a plus le goût de rien faire, tout est correct. Fait que moi, je vais arrêter de faire mon enregistrement, tout est correct. Ben oui, c'est ça. Ben, au contraire, une fois qu'on dépasse ces subtilités-là, c'est là que ça devient intéressant. OK. Parce que genre, il y en a là avec qui je discute des fois, puis ils ont intégré tellement de choses qu'ils sont plus intéressés à rien, mais en même temps, ils trouvent tout intéressant. Encore un autre paradoxe. Oui, puis pourtant, c'est vraiment comme ça. Il y a des gens là ils vont arriver là que ils sont pas intéressés, par exemple, à faire des vidéos sur YouTube comme je fais, mais ça les intéresse beaucoup. Mais c'est juste, tout simplement, c'est parce que là, où ils sont rendus, ils voient que ben ça, ils l'ont fait, là, puis ils sont allés au bout de ça. Puis ils sont plus intéressés à rien, mais en même temps, ils continuent à travailler pareil, puis ils continuent à gérer leurs choses, puis ils continuent à parler de conscience parce que ça les intéresse. C'est au sens pas qu'ils ont un intérêt, mais au sens où c'est intéressant. Mais ils sont plus intéressés à rien, mais c'est intéressant. Oui, je peux comprendre qu'à quelque part, la personne peut être détachée émotivement de certaines choses, mais trouver une certaine forme de stimulation mentale d'aborder ces mêmes choses en observation. Oui, c'est ça. Puis ça fait partie là, de probablement que c'est des étapes là. Puis c'est vrai que ben, la journée où j'ai commencé à trouver, il y a plus rien. J'ai eu une phase où j'avais plus d'intérêt pour rien et puis je me suis rendu compte que c'était très très intéressant. Puis ça semble paradoxal, c'est difficile à décrire, mais c'est là que une fois qu'on est détaché là, de l'expérience, ça devient intéressant de l'observer. Parce qu'on dit, puis c'est vrai que ça a l'air paradoxal, mais on aboutit à des phénomènes que c'est difficile à verbaliser parce que dès qu'on l'intellectualise, dès qu'on le met dans des mots, il apparaît des paradoxes, mais c'est à cause du plan de l'intellect au fond. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que c'est des considérations intéressantes, mais étant donné que le temps file et que ça fait d'ailleurs un peu plus de 2 heures de temps qu'on parle ensemble, j'aimerais bien compléter avec toi l'enregistrement. Oui, ben, Et je te laisse le champ libre, là, c'est comme tu veux. oui, bien c'est sûr que pour terminer cet enregistrement, ce que je voulais rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est bien entendu tes coordonnées. Donc, Berthold, les gens peuvent retracer tes vidéos là, en tapant Berthold sur YouTube. On peut taper aussi le mot supramental. Et puis, d'ailleurs, ben, je vais mettre le lien, là, bien sûr, là, en bas de l'enregistrement pour les gens qui voudront en savoir un petit peu plus sur toi et visionner tes vidéos. Et puis sinon, pour compléter l'enregistrement, je voulais quand même te laisser le mot de la fin dans le sens, y avait-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Ben, je vois pas quoi rajouter. Ben, tout est dit, là. Ben, surtout, là, de dire aux gens de pas se casser la tête avec des choses comme ça, parce que, justement, ce qui peut pas être capté si on le réfléchit, ben, il faut pas non plus le réfléchir une fois qu'on le voit, parce que c'est ça, d'être présent tout en ayant une distance et puis de pas se casser la tête dès que les gens voient que ils tournent en rond, que c'est inutile, ben d'observer le mouvement et puis ça va s'arrêter tout seul, d'être pratique là, dans leur expérience de ces choses-là, dans leur étude. Oui, voilà des propos très pertinents, parce que moi-même, pendant des années, je me suis cassé la tête avec le supramental, avec la terminologie, avec c'est quoi le réel, puis ces choses-là. Et puis, c'est sûr qu'on peut réfléchir là-dessus, là, pendant une quantité incommensurable de temps, là. Oui, puis c'est de toute façon ceux qui, de toute façon peut-être qu'il faut passer par là. Puis, mais si ce que je vois, ce que je dis, que les gens le voient aussi, ben là, peut-être là qu'il y a un début là d'une sortie de ça, et puis ils vont voir que Chaque fois qu'on pense que ça arrête et puis qu'on a franchi là, un certain palier, puis que ça va s'arrêter, ben, au fond, ça va toujours continuer. Si ça continue tout le temps, puis ça va tout le temps avancer, puis de pas besoin là, d'y mettre là, un effort intellectuel là, avec le temps, là, on se rend compte que ça fait partie des pièges. Et puis, au fond, c'est pour ça là, que comme mot de la fin, ça peut être adapté comme ça peut pas l'être, ça dépend des gens et puis c'est correct comme ça. Exactement. Donc, à ce moment-là, ben, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à plusieurs de mes questions. Donc, au plaisir, Berthold. Ah ben ça a été un plaisir pour moi aussi. Au revoir.